Merci pour cette soirée, c'était encore mortel. On s'est éclaté avec vous comme tous les soirs de 20h à 23h. Le numéro pour nous appeler tous les soirs, 01 42 48 5000. Et après l'émission, c'est Mickaël, nos limites. Oui, mais le doc peut rester avec nous s'il veut. Oui, puisqu'il a l'air de vouloir faire des heures sup. Hein, il travaille pas assez en ce moment, je le trouve. Oui, voilà, oui, ça doit être ça, oui. Non, on le veut parce qu'il est bon. Il peut rester avec nous, il n'y a pas de problème, il pourra analyser Toff. Oui. Et Dieu sait que c'est le travail d'une vie. Hein. Le pauvre. Non, il a plein de maladies en plus. Toff, il a la lèpre. Exactement. Oui, j'ai la lèpre, Doc. D'ailleurs, il faudrait quelque chose pour moi. Le Doc regarde ça parce qu'il a de la peau bizarre. Bah, déshabille-toi. Ah, quelle horreur. Il est en train de le faire, je vous jure. Il est torse nu, là, chez nous. Attends, il va dans le studio de Vinfun. Allez voir sur fanradio.fr. Oh merde. Non, mais il y a Toff à moitié à poil dans le studio. Attends, je te vois mal, Toff. Parce que je te filme en même temps. Mickaël, ouais. Il va falloir qu'il fasse un petit peu de gymnastique là. Oui, il va falloir faire un truc. Hein. Écoute, oui, déjà, j'ai perdu 10 kilos, Karel. C'est beau, mon Toff. Toff, remonte ton caleçon, on voit ta raie du cul. Attends, j'arrive, j'ai pas filmé. Elle a pas filmé. Et Karima qui dit: oh, t'es beau, mon Toff. Alors. Moi, je l'aime, quelqu'un. En fait, avec Toff, quand il y a des compliments, c'est un peu comme avec les animaux. Il y a marqué ne pas nourrir. Bah là, c'est pareil. Moi, je l'aime, mon Toff. Regarde, je te regarde avec sincérité. Allez, embrasse-le. Alors, colle-toi contre lui, son beau corps d'athlète. Bah je peux pas, je suis en train de le filmer. Ah ça y est, il arrive. Attends. Regarde, voilà, on est les tous les deux. Quelle horreur. Oh. Allez, maintenant touche lui les seins. Ça n'empêche, t'es pas trop poilu. Non. Il est en train de faire ses fantasmes à travers Toff. Comme d'habitude. Tu sais que je l'aime. Si c'est pas le Doc. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Bah c'est toi qui veux Doc. Voilà. Ah oui, d'accord. Bon Doc, y a rien à faire alors. Bah non, mais il est bien comme ça, va, bien. On va le piquer, ça ira très bien. Bisous Toff. Bon bah allez, bon week-end. Bon week-end. Bah non, on vient demain. Ouais. Et bonne année à tous. Et voilà, exactement, mais ça on y approche. Bon, rencard demain 20h pour une nouvelle édition de Loving Fun. Et nous on est parti jusqu'à 2h du mat. C'est parti, Toff, rabis-toi là, putain. Oh là là, quel pervers celui-là, c'est dingue. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est là sur Fun Radio. Ouais. Bienvenue. On est là de 23h à 2h du matin. Enfin, quelque chose à écouter à la radio la nuit. Et c'est ici que ça se passe. Alors, soyez tous les bienvenus sur Fun. Moi, c'est Mickaël. On est ensemble du lundi au jeudi de 23h à 2h du matin. Et puis le dimanche, on est là aussi de 20h à minuit. Et faites-le savoir autour de vous. Hein, pour passer l'antenne avec nous, il suffit de composer le 01 42 48 5000 ou le 02 851 4x0, et vous arriverez ici comme Kiki est avec nous. Samy, bonsoir Samy. Bonsoir à tous. Bonsoir à toi. Comment ça va? Ça va, pépère, hein. Bon. Une semaine, bon. Bah oui, c'est ça, tranquille quoi. T'es déjà en week-end toi, hein? T'es ouf ou quoi? On est pas week-end, on vient de commencer là. Enfin on vient, on est à milieu de semaine. On est quel jour? Mardi soir. Mardi soir. On est mardi soir. Voilà, mardi soir tranquille. Bon, on va parler de quoi avec toi, dis-moi? J'ai un petit souci en fait. J'étais avec ma prof de français. Ouais. Pendant à peu près 6 mois. Et je lui ai envoyé un message, je lui ai dit vas-y c'est terminé et tout. Et depuis elle arrête pas de me donner des mauvaises notes. Bah c'est normal, hein, tu l'as vexé. Bah oui, c'est ça. Ouais, voilà, c'est le pire, c'est qu'elle me dit, bah de toute façon, t'auras que des mauvaises notes. Malgré que t'auras des bonnes notes, et bah je te mettrai des 8, des 9. Et le problème, c'est que bientôt je passe mon diplôme de comptabilité. Ouais. Ça fait que ça va jouer sur l'examen, quoi. D'accord, ok, ça a pas l'air tout clair dans ta tête, hein. Non. Ouais, voilà, j'ai un peu fumé un petit peu. Nous y sommes. Bon Samy, on va parler avec toi dans quelques minutes. Reste avec nous, ne bouge pas de là. Vas-y, y a pas de voilà. Et il y a Sandro également. Hey Sandro, c'est quoi ta chanson la chanson qui te rend heureuse? Ah, qui te donne, qui donne la patate? C'est I Want You Back de Michael. I Want Dès You Back. D'accord, c'est ABC, c'est Jackson 5, non? Ouais. Jackson 5, d'accord. Okay. C'est pas ce qu'elle me disait. C'est quoi? Elle m'avait dit que c'était Jean-Pierre Sauzère. Ah oui, Jean-Pierre Sauzère, bien sûr. Avec le tube que tout le monde connaît, la fête de la musique et le nouveau single. Jean-Pierre, au pays des merveilles, le chapelier fou veut me croquer les orteils. Voilà. Je suis Jean-Pierre. I Want You Back, en fait, c'est le dédicace à sa voiture. Oui, bien sûr, qu'elle a perdu aujourd'hui. Elle tombe en panne devant la radio, on a dû aller la pousser, c'était l'angoisse. Mais bon, voilà, bien. Et mais, du coup, le dépanneur lui a envoyé un petit SMS en disant en tout cas c'est un plaisir de dépanner une aussi jolie jeune fille. Et donc du coup j'ai dit à Sandro, mais vas-y réponds. Ouais non mais qu'est-ce que t'as à perdre, t'as répondu? J'ai suivi tes conseils, j'ai répondu. Qu'est-ce qu'il a dit? J'ai dit ah bah merci, c'est gentil et il fallait boire un verre. Ah, vas-y on l'appelle. Vas-y viens on l'appelle. Allez viens donne, on l'appelle. Donne le numéro, on va l'appeler. Il va sortir son gros cric. Mais grave, on va criquer, t'inquiète pas. Et toi Samy, c'est quoi la chanson qui te rend heureuse? Qui te rend heureux, pardon. Ah heureuse. La chanson qui te met de bonne humeur. De bonne humeur? Ouais. La dernière chanson de... De? Comment il s'appelle? Bah je ne sais pas. Chante là. Ouais vas-y chante un peu. Non, chantez, oulala, laisse tomber. Non mais vas-y un petit bout. Non. Si. T'inquiète, chante avec toi, ça aura l'air, ça passera crème. Mais oui, mais c'est ça. Un petit extrait. Allez, Camille. Allez. Non, c'est bon, non, merci. Bon, ben, trouve au moins la chanson. Ouais, quand je la trouverai, je te la chanterai. Oh là, mais enfin, dans 6 ans, quoi. Oh, qu'il est chiant. Samy, Samy, reste avec nous alors. Toff, toi, on sait que c'est je t'emmerde hein, de MC Jean Gabin. Oui. Bah oui, voilà, c'est ça, exactement. Et ben, c'est comme ça que la passion est venue pour tes nouveaux amis. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert ces gens-là. Je bah me oui. suis dit, bah, je enculé, gros bâtard. Voilà, je voilà. peux pas que c'est passé à côté d'eux. Exactement, tous des gens. Vous t'emmerdez. Exactement, tellement agréable, bien entendu. Et puis, il y a Polo. Oui. Toujours avec son célèbre pipeau, bien entendu. C'est le pipo qui le rend heureux d'ailleurs en musique, hein, ça c'est clair. Tout ce qui est pipo. Ouais. Bah oui. Et donc d'ailleurs vous venez nous dire hein, les chansons qui vous rendent heureux, qui vous rendent de bonne humeur. J'ai le top 10 selon 10 heures et bah c'est le vôtre qui m'intéresse bien entendu. Je vous passerai les extraits des 10 selon 10 heures. On fera un tour de l'autre côté aussi pour les chansons qui nous rendent heureux et qui nous aident de bonne humeur. Vous c'est quoi? Hashtag et Mickaël, balancez vos messages. Et puis comme tous les soirs on va récompenser ceux qui tweetent le plus avec le hashtag et Mickaël. Et ce soir on offrira un sextoy au 4e. Hier c'était le 5e, ce soir c'est le 4e. Donc si vous voulez participer, il suffit d'envoyer un maximum de messages avec le hashtag Mickaël pendant l'émission et plus vous enverrez de messages plus vous aurez de chances d'être dans le top 5 à la fin de l'émission. C'est aussi simple que ça. Côté musique, il y a le son Dance Floor d'Avicii qui arrive. Je vous cadrerai aussi Jason Derulo. Il y aura aussi le nouveau son de Tony Junior. Et puis un auditeur qui nous avait demandé ça la semaine dernière, du coup on le passe maintenant. New World Sound avec Flute. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ouais. Avec Flute et Pitbull. Hein. Ouais, si vous voulez écouter des sons en particulier, n'hésitez pas, vous faites vos demandes hein, comme d'habitude. Vous allez sur le mettez hashtag et Mickaël sur le Twitter et sur le Facebook. Vous pouvez aussi faire vos demandes et participer à l'émission en envoyant Mickaël au 64-900 ou au 30-44 depuis la Belgique. N'hésitez pas. Et puis on va également vous offrir des cadeaux avec l'iPad Air à gagner. Ah bah tranquille, on se met bien. Hein. L'iPad Air à gagner dans la colle. Ce sera dans quelques minutes avec Selena, le temps de la prendre à l'antenne. On aura aussi des casques. Focal. À chaque fois j'oublie hein, c'est focal, parce que j'ai pas nosé. Oui, des casques focales qu'on a à vous offrir, ça vaut 200 boules. On vous les offre ce soir, notamment dans le jeu de la rupture. Si vous voulez jouer avec nous, le concept est relativement simple. Vous nous appelez maintenant 01 42 48 5000, c'est le numéro du standard pour la Belgique, le 02 851 4x0. Donc vous appelez Sandro, vous jouez, vous allez vous affronter deux auditeurs. Donc on va téléphoner à des gens au hasard et le but c'est d'avoir une discussion de rupture, genre bon écoute, ça peut plus durer entre nous, il faut qu'on arrête parce que ça va pas, etc. Le plus long possible. Et celui qui tient le plus longtemps par rapport à l'autre repart avec le casque focal d'une valeur de 200 boules. Ah donc faut pas appeler et dire allô, il y a une rupture. Non, ça il faut éviter de faire parce que ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de rupture, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà. Enfin, moi je vois, mais... Ouais, bah voilà, donc si vous voulez vous inscrire, appelez Sandro maintenant 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et avant de récupérer Samy, on va d'abord prendre Selena du Nord. Salut Selena. Bonsoir. Eh oui, le Nord est en force. Enculé, gros bâtard. Voilà, au taquet le Nord. Hein. Ouais, ah oui, évidemment, le Nord est au taquet. Bon, alors, sois la bienvenue, Selena. Tu veux gagner un iPad Air, toi, ma chérie? Oui, voilà. Ouais, t'aimerais bien l'iPad Air? Oui, très. Il te ferait kiffer l'iPad Air? Avec toutes les galères que j'ai en ce moment, ça serait pas de refus. Ah, bah j'imagine bien. Bon, alors, tu vas poser une colle. Si quelqu'un trouve la bonne réponse et qu'il passe à l'antenne, il gagne, tu perds. Si personne ne trouve ou qu'on appelle celui qu'on tombe sur le répondeur, eh bien, tu gagnes. Alors, nous t'écoutons, Selena. Quelle est la colle de ce soir? Alors, j'ai 4 dents. Oui. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? Répète, s'il te plaît. J'ai 4 dents. Oui. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? Très bien. J'ai 4 dents dès que... Attends, j'ai oublié déjà. J'ai déjà oublié. J'ai 4 dents dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? C'est ça? Oui. Très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse et que vous voulez repartir avec votre iPad Air, il y a plusieurs solutions pour jouer, soit par SMS. Il suffit d'envoyer maintenant M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou alors par SMS au 63 22 pour la Belgique. Vous faites pareil, vous mettez M-I-K-L espace la réponse. C'est aussi simple que ça. Et je viens de poster également en live and direct sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Eh bien, la colle de ce soir, si vous voulez gagner votre iPad Air qui est là, il est beau, il est magnifique. Vous allez maintenant donc facebook.com/M-I-K-L officiel et vous répondez correctement à la colle de notre amie Selena. J'ai quatre dents. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je ? Selena, on te récupère plusieurs fois pendant l'émission et on donne la réponse avant minuit 30. Ça marche, pas de soucis. Je te fais des bisous. A tout de suite, Selena. A tout de suite. Bon, et en attendant, eh bien, il y a Samy hein, qui est avec nous. Hein. Samy ! Oui, bon, je suis là. Il y a Thomas qui avait envoyé un message aussi. Moi, c'est Red Fou avec Let's Get Ridiculous. Ça me donne la pêche le matin. Il y a Yann aussi qui dit Bass Hunter, All I Never Wanted. Il y a Marie aussi qui dit des bisous à toute l'équipe et bonne soirée. Avec gros bisous, Marie. Jati également sur le Twitter. La chanson qui me rend heureux, c'est Firework, les paroles et tout. De quoi ? De Katy Perry, Firework, j'imagine. Ouais. Ou alors c'est moi, j'ai trouvé. Je sais pas. C'est quoi ? Ah, c'est quoi ? C'est Khaled. On va danser, on va chanter. Oh, quel horreur. Oh là là. Tu chantes trop bien. Ah ouais, tu chantes super bien là, effectivement. Ouais. Bon, il y a Steph aussi, la musique qui me rend heureux, c'est Hey Brother. Bah, ça tombe bien, on va l'écouter dans quelques minutes. DJ okay. Roms aussi, moi c'est le pipeau de Polo qui me fait kiffer. Ah, mais comme quoi, on a trouvé un fan. Et alors, il y a Florian, passe la nouvelle de Drake aussi. Bah, ils vont essayer de passer ça tout à l'heure avant 2h. Et Fabienne, la chanson qui me ferait plaisir, c'est Projeté de Martin Garrix. Mets-la-moi, s'il te plaît, la chanson, bien sûr. Oui, Fabienne, on avait compris. Et Amarante qui dit la musique qui me fait kiffer, c'est Hey Brother Davichi également. Bon, bah très bien. Dites-nous la chanson qui vous fait rêver. Alors, son dance floor ou pas, hein, y a peut-être des gens qui vont kiffer sur un Claude François, j'en sais rien, tu vois, et qui vont mettre de bonne humeur. Hein. C'est pas votre chanson préférée, c'est celle qui vous met de bonne humeur, en fait. C'est juste celle-là qu'on veut savoir. Donc, allez-y, on vous dira pour les nôtres dans quelques minutes. Et puis, bon, alors, Samy, toi, on va parler avec toi. Donc, tu sortais avec ta prof et depuis qu'elle te fout des notes de merde, c'est ça ? Voilà. Et des fois, elle marcelle dans les couloirs et machin comme ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a personne dans le lycée qui sait que j'étais avec la prof. Ah oui, mais, ouais, mais c'est mieux. Ouais, oui, bah, c'est mieux, effectivement, pour toi et pour elle. Mais ça, c'est le problème quand tu sors avec un prof ou une prof. Hein, c'est que il faut le cacher. Et puis, bah, le problème, c'est qu'une fois que c'est terminé, après, ça peut partir en couille d'un côté comme de l'autre. Là, ça part vraiment en cacahuète. Quoi. Ouais, bah, en fait, généralement, la prof, faut la garder jusqu'à la fin. Quoi. C'est-à-dire jusqu'à ce qu'elle t'ait donné, tu vois, elle t'a donné ton le bac. Diplôme, tu peux pas lâcher. Ouais, mais je promets, je vais faire ça, je crois. Je vais essayer de la. Mais bon, tu vas essayer de récupérer. Marre, quoi, ça y est. Bon, Samy, oui. Attends, reste avec nous. Si vous êtes déjà sorti avec un prof, justement, tiens, ou avec votre supérieur, hein, ça peut être au travail ou à l'école, prof ou supérieur, venez nous le dire comment ça s'est passé, comment ça s'est fini, si ça continue encore. Appelez-moi maintenant, 01 42 48 5000 pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis on va. Ce qu'on appelle le dépanneur ou pas, Sandro ? Mais oui, on l'appelle. Je sais pas. Bon, si alors dites-nous. Dites-nous si vous voulez qu'on l'appelle le dépanneur ce soir. Donc ouais. Sandro est tombé en panne avec sa voiture. Et donc bah dites-nous si vous voulez qu'on l'appelle le dépanneur, qu'on trouve enfin un mec pour Sandro, sachant que le dépanneur lui a envoyé un SMS lui disant que c'était un plaisir de dépanner une si jolie femme. Oui, bah, comme oui. Vous, il me vous voit. Voilà, c'est ça. Ouais. Non mais vous allez foutre la merde et tout. Mais non, non. Pas, quoi. Bon, dites-nous si vous voulez qu'on l'appelle. Hashtag et Mickaël, vous nous dites, on l'appellera dans le quart d'heure si vous êtes d'accord. Et puis bah si vous avez envie surtout, ou alors par SMS, vous nous le dites. Débutez le message par M-I-K-L suivi de votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. On verra. Si les auditeurs veulent, on l'appellera. Ouais. Ah, c'est les auditeurs qui décident. Ouais. Voilà. Bon, dites-moi si je dois l'appeler ou pas. L'appeler. Très bien. L'auditeur est roi dans cette on fait émission. Ça dans quelques minutes. Samy, on l'appelle ou pas toi pour toi le dépanneur de Sandro ? Vas-y. Parfait. Et toi, Selena ? Ouais. On l'appelle. Ah, très des bien. Vrais commères. Vous êtes tous des commères. Pour l'instant, on a déjà deux votes et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bah, restez avec nous, vous toutes et vous tous. Soyez les bienvenus. C'est Mickaël No Limit. Je vous parlerai du fait qu'on est à Montpellier également ce week-end. Et puis, bah, restez là. Hein. Il y a plein de choses qui vont se passer à Montpellier. Je vous explique tout ça dans quelques minutes. On écoutera aussi le son d'Avicii. Ce sera Hey Brother sur Fun Radio. Prenez le contrôle. Appelez le 01 42 48 5000 sur Fun Radio. Please call again. Mickaël. Mickaël, No Limit. Tous les soirs, 23h, 2h, sur Fun Radio. Fun Radio. Et on est en direct, effectivement, dans toute la France. Je vous rappelle qu'on sera à Montpellier vendredi, samedi et dimanche. On va débarquer sur l'esplanade du lycée Joffre. Ce sera vendredi à partir de 16h. On viendra avec des hôtesses Fun Radio. Oui, des jolies voitures. Des jolies voitures. On ne connaît pas encore le modèle, mais on verra bien. On va venir. Il y aura les Twizy. On devra aussi avoir un pick-up avec logo teasé Mickaël No Limit. Avec Polo, on va faire une course de Twizy dans le lycée. Ça va être parfait. Bon, et on aura des cadeaux. Donc, si vous voulez venir nous rejoindre, on va venir vous chercher à l'école vendredi, sur l'esplanade du lycée Joffre. On sera samedi également. On fera un match de Soccer 5. On a fait une vidéo teaser. Attention, ça fait peur. Je peux vous dire qu'on arrive. On arrive et on va tout démonter. On va envoyer du lourd. On va envoyer du très lourd. On vous attend d'ailleurs pour faire des matchs contre nous ou avec nous d'ailleurs. Ce sera entre 16h et 18h. Je vous mettrai l'adresse dans quelques minutes sur le Facebook. Et puis on fera l'émission en direct des studios de Fun Radio Montpellier. C'est sur la place de la Comédie. Donc on vous met toutes les infos sur le Facebook. No malaise. On sera là. Oui. Grave. On va tout déchirer. On sera là en force. Que là. Ça va être énorme. Ils se souviendront de notre passage à Montpellier. Je le confirme. Surtout le lycée Joffre. 23h. Ouais, 23h17 sur Fun Radio. On écoute Avicii maintenant. C'est Hey Brother. Hey Brother. C'était le son d'Avicii sur Fun Radio avec Hey Brother. Bienvenue si vous voulez débarquer là. Mickaël No Limit, on est là. 23h, 2h sur Fun Radio, le dimanche de 20h à minuit. Prévenez vos potes également si vous voulez débarquer ce soir. Eh ben, vous êtes les bienvenus, vous allez voir. Il se passe enfin quelque chose la nuit à la radio de 23h à 2h. Ouais. Et le dimanche de 20h à minuit, donc prévenez vos potes qu'il se passe enfin quelque chose. Je vous rappelle également qu'on sera en direct avec vous le soir du réveillon de Noël. Ah. Oui, parce que c'est une fête de famille. Ouais. Donc nous serons là pour passer la soirée en famille. C'est vrai. Tout simplement. Et on va bouffer comme des porcs. Et on va bouffer aussi comme des porcs. Et accessoirement, nous allons bien entendu passer le réveillon avec vous. Donc si vous voulez, n'hésitez pas. Vous êtes les bienvenus. 24 décembre, à partir de 20h, on fera la fête avec vous. Et puis on va surtout échanger les cadeaux. Si vous avez reçu des cadeaux un peu pourris de mémé, de tonton, etc., même des parents, vous pourrez les échanger avec nous. Voilà. Est-ce qu'on pourra échanger Toff, voir cette gueule de merde mince support. C'est une bonne idée. Pour la nouvelle année. J'y réfléchis. J'y réfléchis. Il y a Marante aussi qui dit vous allez tout déchirer à Montpellier. Ah bah oui, en tout cas on va tout faire pour. Il y a Elodie aussi, il appelle le dépanneur pour Sandro. Ah bah oui, on va le faire. Elliot également, trop chanceux les Montpelliérains là, comme je vous envie. Il y a Eric également, appelle le dépanneur pour Sandro puis sniquer. Mathias également, nickel le serpent. Il y a Alem également, non foutez pas la merde, laissez Sandro tranquille. Mister Flo, appelez le dépanneur des grosses barres. Florian également qui dit je vous écoute tous les soirs, c'est possible d'avoir un message de bienvenue. Oui si tu veux, ouais, j'en ai un au stock là. Va te faire enculer gros bâtard. Voilà, en toute simplicité, un gros beau tort, un gentil, classe quoi, tranquille. Et puis Baptiste également, happy de Pharrell Williams, ça me plaît, ça me rend de bonne humeur et appeler le dépanneur. Léo qui dit appeler le dépanneur, il y a Alex qui dit il faut le dire car c'est vrai, la chanson qui nous met de bonne humeur, c'est quand même le chat à ton macaron. Oh non, s'il te plaît Mickaël, mets-nous un extrait, vous êtes fous, j'ai même pas ça en plus. Pierre également qui dit s'endormir avec vous, c'est le top. Je sais pas si on doit prendre ça comme un compliment. Emily Philou qui dit salut les amis, ça m'a trop manqué déjà de ne. Attends, c'est quoi ? Ça m'a trop manqué déjà de ne pas. Ne taper de bon délire. Oui, appeler le dépanneur. Parfait. Bon, à l'unanimité, nous allons donc appeler le dépanneur. Ah, oui, je pense que. Et moi, je parle pas. Hein. Bah, si. Ah, non. Les auditeurs ont voté. On lui dit pas qu'on est à l'antenne. Tu parles avec lui en genre en mode. En loose day. En loose day. Mais non. Il va tirer à les chauds d'elle. Mais non, oui, mais il chauffe pas. Ah, non, c'est chaud. Ouais, tu lui dis qu'il faut venir te dépanner la chatte. Ah, non, il va dire elle est trop chaude la meuf. Elle m'appelle direct et tout. Ou alors, tu me fais passer pour ton mec, je l'embrouille. Vas-y, t'as vu. Tu fais un message à ma meuf et tout. T'as vu comment t'es ouf. Tu crois que ça y est. Non, il faut étouffer l'affaire, moi. Non, t'inquiète pas. Non, on va l'appeler. Alors, si vous avez des idées de scénarios qu'on pourrait imaginer, de scénarii même, qu'on pourrait imaginer avec Sandro et son dépanneur là, n'hésitez pas. Hashtag et Mickaël et puis on l'appelle dans quelques minutes. Avant de récupérer Samy qui est sorti avec sa prof et depuis ça a foutu le bordel. D'ailleurs, je voulais savoir si vous étiez déjà sorti avec vos profs. N'hésitez pas, bien entendu, à nous le dire. Hein. Vous tapez tout simplement hashtag et Mickaël pour nous le dire. Vous appelez Sandro au 01 42 48 5000 ou au 02 851 4x0. Au niveau du standard et vous envoyez aussi vos messages si vous souhaitez passer à l'antenne ou réagir. Et Mickaël espace votre message, vous envoyez au 64 900 ou au 30 44 depuis la Belgique. On va reparler de la colle et on va reparler de Samy et on a Johan avec nous également maintenant là. Ça va Yo? Ça va tranquille. Bon, tant mieux. Johan qu'on a eu la semaine dernière. Johan? Ouais. Ah, on t'a eu la semaine dernière. Ouais. Bon, très bien. Et Johan qui devait demander à sa prof d'anglais comment traduire. Tu m'as dit de lui dire, de l'insulter. Ah non, si, c'est pas la même, Ah merde, alors je confonds avec Hugo alors. Tu confonds avec Hugo. Ah non, alors c'était quoi Hugo, c'était le blowjob. Attends, ah oui, c'était blowjob. Alors je t'avais demandé quoi toi, Johan? Tu m'as dit de lui dire asshole. Oui, je t'ai demandé ça moi. Oui, je me souviens très bien. J'en mérite une, je m'en suis mis une avant même là. C'est ce qu'elle m'a répondu. Arrêtez de rire. Elle m'a dit you have a dick head. T'es une tête de bite. Ah oh, c'est bien. Elle a de l'humour. Elle est rock'n'roll. Ouais. Et c'est tout, t'as rien eu de plus? Si. À part la colle, non, rien. T'as eu quoi? J'ai eu un avertissement. Carrément. Ça va, un avertissement, c'est rien. J'adore. Ah, c'est pas l'avertissement de bulletin là? Ah, officiel. L'avertissement officiel. Ouais, c'est ça. C'est sur le bulletin. Mais elle porte plainte contre elle, tu dis mais elle m'a traité de tête de bite. Non, attends, mais ça se fait pas. Non, mais je m'en fous. Non, mais attends, t'es un rebelle, t'as raison. Non, mais Johan. Non, mais. Et qu'est-ce qu'elle a mis dans le journal? Hein, le bulletin, il parle. Ah, c'est le bulletin dans ouais, le bulletin. Ouais, mais il a parti encore. Ah, elle a dit. Propos grossiers. Oh, a fait des progrès en anglais, t'aurais dû. Mais oui, c'est ça, elle aurait dû t'encourager. Mais oui, a fait de beaux progrès en anglais. S'intéresse à la matière. S'intéresse à la matière, exactement, oui. Non, mais c'est vrai, en plus. Bah oui. Bon, eh ben, écoute, très bien, Johan, je suis fier de toi. Bravo, tu iras loin dans la vie. Au moins, tu vas te souvenir de ce que ça veut dire maintenant, hassle. Ouais. Bah oui, au moins. Et puis, dick ass aussi. Ouais. Ok. Ah, c'est nickel. Oui, bien sûr. Ah oui, pardon. Oui. Mais t'as été bon, oui, hein, bravo. Oui. Ouais, non, mais c'est bien, bravo. Tu fais partie de la confrérie des gros cons. Exactement, oui. Exactement. Tu dis, Johan? Ah, Mickaël? Ouais. Tu peux pas me trouver une meuf dans Villeurbanne, dans Lyon? si on peut là, on peut. Non, mais t'as raison. Bon, si vous êtes une, si vous êtes à Lyon, cherche une meuf. Bah voilà. Si vous êtes sur Villeurbanne, dans la région lyonnaise, la Rhône-Alpes, tout ça, si vous êtes une fille, vous avez envie de rencontrer Johan. Eh, les un galères, rebelle. C'est à tout âge, hein. Ah ouais, un rebelle okay, dans. Je bah ouais, t'as raison, bien sûr. Mais non, mais bien sûr, évidemment. On donnera ton numéro de téléphone aux meufs si elles sont intéressées. Non. Tu leur dis, elles appellent ici. Et moi, ah, tu veux draguer en live? Ouais. T'as raison, ils rigolent pas. Ouais, ouais, mais t'es un bon, toi, c'est pas de problème. Bon, bah, vous nous appelez, les filles, hein, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Y a pas de problème. Sinon, Johan, il appelle le dépanneur, il dit que c'est mon petit frère. Ouais, tu crois que tu vas draguer ma soeur comme ça? Non, y'a pas de problème, je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que tu chauffes ma soeur. Non, non, ah, c'est oh une bonne non, idée, non, non, il va être vulgaire. Non, non, c'est une bonne idée. Il a mon numéro, je vous rappelle le dépanneur. C'est pas mal, Johan, c'est pas mal. Tu te sens capable de le faire, Johan? Bah ouais. Sans insulte. Ouais, ouais, tu sais, genre non, tu. Non, sans insulte, ça va pas être possible. Ah non, mais attends, Johan, normal. Je vais me mettre dans le truc, faut que ça soit réel. Bon, écoute, on va réfléchir. Déjà, on va essayer de te trouver une meuf, Johan. Hein. Ouais. Tu veux pas rester comme ça sans meuf, tu veux pas rester célibataire à 14 piges, ça se fait pas. Ouais, c'est vrai. Non mais c'est vrai. Bah, oui. Il y a un moment. Attends. Il y a un moment, faut pas déconner. T'es beau gosse, Johan. Tu ressembles à quoi? Tu veux que je t'envoie une photo? Fais d'abord la description et puis après, ouais. Bah. Ah, mais attends, je t'envoie une photo. Personnellement, je préfère qu'une meuf m'envoie une photo, tu vois, c'est marrant mais parce si, que là. Juste... C'est... Pour qu'on voit, pour qu'on puisse tu voir. Tu mesures combien, 1m60? Moins. 1m20? 1m58. Ah, mais tu vas grandir encore. Blond? Non. Brun? Non. Yeux bleus? Non, marron. D'accord. T'as des belles dents? Ouais. Oh bah c'est t'as bon. T'as pas d'appareil? Non, pas encore. Et bah t'es top alors. Bah oui, c'est ça. Mais peut-être que l'appareil va venir. Hein. Ouais. Ça c'est sûr, obligé. Ah bah oui. Ah ouais, pourquoi t'as les dents de travers? Ouais, mais deux dents de devant en fait. Attends, on va réparer ça. On a une pelle et un marteau piqueur. Tu veux qu'on répare ça là? Tu veux qu'on répare un coup là si tu veux? Attends, ouvre la bouche. En plus grand? Attends, vas-y, c'est bon, voilà. Ah, ouvre encore un peu là. Encore un peu. Encore plus grand. Voilà, parfait, très tu bien. Bien là. Alors attends, je vais enlever le tartre. Voilà, parfait. Attends, j'ai encore un peu là. Ouais. Ouvre la bouche. Ouvre la bouche. Oh là là. Allez. C'est bon là? Ouais. Bon, parfait. Attends. Je termine. Parfait. Bon. Ah bah voilà, nickel. Plus d'appareil, bah voilà. Ça sert à rien. C'est pour les cons, les appareils. T'inquiète. On est bon là, on est au taquet. Pas de problème. Bah t'es beau gosse, mec. De quoi? Le jeu de la rupture, je peux le faire? Non. Pourquoi? Bah parce qu'on a déjà Jesse et Joey qui vont jouer au jeu de la rupture. Mais la semaine prochaine, si tu veux, Johan. Ok. Ah bah ouais, attends, on a peut-être une meuf pour toi, Johan. Hein? Maël, t'aimes bien ce prénom? Ouais. Pas mal, hein? Ouais, pas mal. Hein? Ça va, Maël? Ça va, toi? Bah tranquille, cool. À la cool, Maël. T'es intéressé par Johan, toi? Bah ouais, pourquoi pas. Non, oh. Tu ressembles à quoi? Je suis taille moyenne, à peu près, châtain. Ouais. Les yeux bleus. Ouais. Et voilà. Oh bah c'est déjà pas mal, hey, bah c'est déjà pas mal. Eh hey, Johan, ah ouais. On t'a. Eh ouais, je suis chaud là, je suis complètement chaud. Bon, Johan, reste avec nous. Maël, tu restes avec nous. Pareil, ne bougez pas tous les deux. On se met Jason Derulo maintenant. On parlera des appels de Toff dans quelques secondes aussi. J'ai un bon dossier pour Toff. Oh, j'ai peur. Ah oui, du très très lourd. Et on va se faire également le jeu de la rupture juste après Jason Derulo. C'est Dirty Talk. Bienvenue sur Fun Radio. What? I don't understand. Jason Derulo, Dirty Talk sur Fun Radio, il est 23h33. Bienvenue si vous venez de débarquer, c'est Mickaël No Limit. On est là ensemble en direct comme tous les soirs de 23h à 2h et je viens de vous mettre la vidéo teasing, enfin le teaser plutôt de notre passage à Montpellier pour le football au Soccer 5 à Montpellier-Castelnau. On sera là de 16h à 18h pour jouer et pour faire un foot avec vous. Donc si vous avez envie de jouer avec nous, on aura des places en plus pour I Love Techno la semaine d'après. Donc pas ce week-end-ci mais la semaine d'après à Montpellier. Et puis on aura aussi des packs foot. Bref, plein de trucs à gagner. Autocollant absolu. Ouais, ouais, ouais, des packs fun, tout le bordel. Il y aura. On va être bien. Ouais, on aura des t-shirts fun et Mickaël No Limit aussi. On vient les bras chargés. Vous allez voir, ça va être la folie totale. J'ai déjà dû demander une deuxième valise pour l'avion. Ah, c'est bon ça. Ah bah oui, il y a trop de poids. Déjà avec Sandro en plus. Enfin, bref. Ah, ça va être bon. C'est pour rien. Bon, donc du coup, venez hein, et allez voir la vidéo aussi que je vous ai mise. Et dites-nous si ça vous fait peur. Est-ce que vous oseriez nous affronter? Moi je suis capable d'aller au Brésil hein, pour jouer. Hein. Ah ouais, bah, oui, oui. On leur montrer comment. Là, exactement. Ouais, on est dans les. Bah évidemment, on est dans le bon chapeau là, ouais. T'inquiète pas, on affrontera les bonnes équipes. Bon, allez, facebook.com/mickaëlofficiel, allez voir ça. On va également se faire les appels avec Toff, puisque j'ai une bonne nouvelle pour Toff. J'ai un magnifique sujet. Ah, lequel est-il? Magnifique, je viens de voir une info assez spéciale et je me demandais si vous seriez prête à le faire justement, les filles, là, pour avoir plus de plaisir et en donner plus à votre mec. C'est un Femilift, voilà, c'est une opération. C'est une opération qui consiste à introduire un laser dans votre vagin pour le rétrécir et donc donner plus de plaisir. C'est horrible. Ah, c'est bon, ça. Voilà. Donc est-ce que vous le feriez justement cette petite opération? Donc venez nous dire 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Est-ce que vous le feriez? Et puis ben du coup ben, nous on vérifie quoi. Bah oui. On va vérifier dans quelques minutes, on va appeler des premiers là, pour ceux qui ont éventuellement des gens encore debout à cette heure-ci. Donnez tous les numéros bien entendu sur le mail de Toff, toph@funradio.fr, et puis on les appellera d'ici quelques minutes ensemble. Bon, avant de faire le jeu avec le jeu de rupture, Jesse et Joey qui vont s'affronter, on va se refaire un coup de colle avec Selena. Toujours là Selena? Ouais. Toujours là. Très bien, allez c'est parti, la colle, on t'écoute pour gagner l'iPad Air. Ouais, donc j'ai 4 dents. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? Alors, j'ai 4 dents. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? C'est bien ça? Oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse par SMS au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et on proposait la langue. Non. Il y a Daoud Douida qui proposait sur Facebook un lapin crétin. Non. La réponse, c'est la souris. Non. Une tapette à souris. Non. Non, un hameçon. Non plus. Il y a Marine qui proposait un vampire ou une chauve-souris. Non. Alors il y a André de Lille qui proposait une pince par SMS. Non. Bon bah très bien, tant pis, hein, c'est pas grave. Si vous avez la bonne réponse, donc allez-y, hein, vous envoyez M-I-K-L espace la réponse. Vous envoyez ça au 64 900 ou au 63 22 pour la Belgique. Et vous pouvez bien entendu venir nous rejoindre aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/M-I-K-L officiel. Vous pourrez voir la colle, enfin la lire surtout, et y répondre. Et on te reprend avant minuit 30 forcément, Selena, pour reposer encore un coup la colle, d'accord? Ça marche, ça. Allez, tout à l'heure. Ensuite, Selena, on va récupérer Johan et Maël dans quelques minutes. Samy, qui sortait avec sa prof et depuis, bah, depuis qu'il l'a viré, elle lui colle que des mauvaises notes et c'est la galère. Donc, si vous êtes déjà sorti avec votre prof, féminin, masculin, peu importe, ou si vous êtes déjà sorti avec votre supérieur, patron éventuellement, ou responsable, comment ça s'est passé, comment ça s'est fini aussi, venez nous en parler. Hein, donc, appelez-nous 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Allez, c'est parti. Jesse, Joey, vous êtes là? Ouais. En forme? Tranquille. Bon, très bien. On aura Tony Junior à suivre avec Twerk and Team dans quelques minutes. Ouais, je vous cale ça juste après le jeu de la rupture. Et le jeu de la rupture, justement, c'est avec vous deux. Jesse, 18 ans de Marseille. Oh, peu cher. Et Marseille qui a perdu. Ils étaient vénères tout à l'heure. Ils ont perdu 1-0 face à Lille. Et Lille a mis un but. Il restait même pas une minute de jeu, quoi. Va te faire enculer, gros bâtard. C'est gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Ouais, exactement. Ouais. Et Joey qui est là également de Belfort. Salut, 22 ans, Joey, c'est ça? C'est ça, c'est ça. Parfait, vous allez vous affronter au jeu. Bah salut Joey. Vous allez vous affronter au jeu de la rupture. Ah. Le principe est simple. Vous allez donc appeler chacun à votre tour quelqu'un au hasard. On ne sait pas si on va tomber sur un garçon, une fille, un vieux, une vieille, un jeune. On ne sait pas du tout. Le but, arriver à avoir la plus longue discussion de rupture. Ok ? Okay. Donc il ne faut pas appeler en disant ah au fait il y a une rupture, ça veut rien dire, hein. Parce que quand vous quittez votre copain ou votre copine, vous dites pas il y a une rupture, c'est le principe qui est une rupture. Chérie, okay, aujourd'hui il y a rupture. Voilà. Non, mais je préfère le préciser parce qu'on a déjà eu ça à l'antenne. Bon, qui commence? Honneur aux dames, non? Honneur aux dames, parfait, on va commencer par Joey, donc c'est parti. On y va. T'es prêt Joey? Je suis prêt. Allez, on y va, c'est parti, on appelle le premier. Dès que t'entends plus la musique en dessous là, eh ben tu peux dire allô. Et je te souhaiterais bonne chance. Ok. Allez. Allez. Allez, allez. Au pire, on appelle le dépanneur pour faire le jeu. Ça peut être drôle. Ça. Attends, on va prendre un autre numéro, c'est pas grave. Hop là, ne bouge pas de jouer là. On met un deuxième numéro de téléphone maintenant et on l'appelle tout de suite. Et dès que ça sonne, dès que la musique s'arrête, tu peux y aller, hein, d'accord? Ok, on fait comme ça. Allez, c'est parti, on recompose, c'est parti. Merde, le poste est occupé. On va mettre un autre numéro de téléphone là, c'est pas grave. Allez hop, on en appelle un autre. C'est parti. Et Joey, ne bouge pas de là. Dès qu'on a quelqu'un, sinon on fera ça après la pub parce que là, le temps presse. Le temps plus que presse. Bon, Joey. Ouais. Tu connais le record au moins? Non. 7 minutes, hein, donc bon, tu dois pas faire autant. Tu dois pas faire autant, t'inquiète. Allez, c'est parti, on rappelle. Allez. Que vous demandez n'est pas attribué. On est parfait. Bon, alors, on est bien là. Bon, ce qu'on va faire, Joey, bouge pas de là, Jesse non plus. On va le faire juste après la pub, d'accord? D'accord. Bon, vous bougez pas de là. En attendant, il y a Johan et Maël là, qui vont se présenter l'un l'autre là. Bon, Maël. Oui. Bon, t'étais intéressé par Johan qui nous avait appelé parce qu'il voulait, il voulait une meuf sur Villeurbanne parce qu'il a 14 ans et que bah il y a un moment. Et que sa vie est presque foutue là, s'il a pas trouvé une meuf, c'est chaud pour lui. Bah quoi. Voilà, c'est ouais. ça. Donc toi t'es intéressé, Maël, c'est ça, t'as entendu? Ouais, qu'est-ce qui t'a plu chez lui? D'abord, je veux savoir à quoi il ressemble un peu. Mais il est beau gosse, il l'a dit. Tu mesures combien toi, Maël? Moi, 1m60. Oh putain, mec, t'es plus petit qu'elle, Johan. Hein. Ah, mais j'ai envoyé ma photo, Facebook. Tu l'as envoyé où? À l'adresse Sandro. Comme par hasard. Ah ça y est, chez Sandro. Il l'a envoyé chez Sandro, dis donc. D'accord, ok. Il y a du favoritisme dans. Exactement. Cette Sandro, t'as reçu la photo ou pas de? Attends, on va vérifier là. On vérifie. Et non, pas encore. Bon, écoute, Johan, elle va arriver dans quelques minutes. On va la voir. Comme ça, on donnera directement notre avis à Maël. Avis de spécialiste, bien entendu. On récupérera Samy et puis on va appeler le dépanneur. Hein. C'est le mec que Sandro a rencontré puisque sa voiture est tombée en panne. On l'a poussé. Et donc, bah, le dépanneur est venu et après, il a répondu. Enfin, il a envoyé un texto à Sandro disant c'est un vrai plaisir de venir dépanner des aussi jolies femmes ou un truc comme ça. Une aussi jolie femme. Voilà. Donc, du coup, elle voulait pas donner de nouvelles parce qu'elle se dit oh non, s'il fait ça à toutes les meufs, mais au final on sait pas, ça se trouve il a peut-être flashé. Bah peut-être. Bon, on va l'appeler dans quelques minutes puisque vous étiez d'accord avec ça. Il y a Jean-Pierre aussi qui dit en Picardie on dit Beauterre, d'accord. Et dit Jérôme, ce qui dit ma copine le ferait pas, elle dit. Et Momo qui dit Mickaël, je voudrais pas que tu sois mon dentiste. Oh, pourtant je suis très bon. Allez, restez sur Fun Radio. Tony Junior, je vous l'avais promis, je vous le passe dans quelques minutes. Ce sera Twerk Anthem sur Fun Radio. Oula, j'ai fait n'importe quoi là, bougez pas. Hop là. Prenez le contrôle. Envoyez un SMS à Mickaël au 64 900. Sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Comme ta gueule, les trolls. No limit. Sur Fun Radio. On est en direct sur Fun Radio, en direct dans toute la France. Et je vous ai mis un post avec la vidéo, le teaser du match de foot qu'on va faire à Montpellier quand on va passer vous voir vendredi, samedi et dimanche. On sera au Soccer 5 à Montpellier, Castelnau. Donc si vous voulez venir faire un match avec nous, n'hésitez pas, il y aura des cadeaux à gagner. Notamment des places pour I Love Techno qui aura lieu pas ce week-end-ci mais le week-end prochain vers Montpellier. Et il y a un message de Kathleen qui dit: et je suis sûr que les nanas de foot 2 de Montpellier peuvent vous foutre la raclée. Oh, et bien on vous attend les filles. Ce serait bien de faire un match contre des filles. Ce serait cool. En plus vous avez un niveau. Vous aurez un level super. Non, on est bien, on vous laissera gagner. C'est vrai. Ouais, parce que la galanterie oblige. La galanterie, on est galant, donc on va vous laisser gagner. Vous les filles. Avez raison, les gars. Voilà. Et les filles peuvent venir jouer au foot, il n'y a pas de raison. Parce que nous, sur le terrain, on sera des gonzesses aussi, donc vous inquiétez pas. Hein. On sera à niveau. Vous ne vous inquiétez surtout pas pour ça. Bon, donc on vous attend à Montpellier, nombreux et nombreuses. Vendredi, on sera donc sur l'esplanade du lycée Joffre, donc pour venir vous chercher à l'école. Hein. On aura plein de cadeaux pour vous. Et puis, bah voilà, faites passer le message autour de vous. Même ceux qui ne nous connaissent pas, bah, ils sont les bienvenus quand même. Les amis de nos amis sont nos amis. Et on écoute Tony Junior maintenant. C'est Twerk Anthem sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde, il est 23h47, c'est la nuit sans pub. C'est Fun Radio, bienvenue si vous arrivez. Tony Junior à l'instant sur Fun, il est 23h50, c'est la nuit sans pub là. On est pépère. Ouais. Il y a Eric Mix qui dit encore heureux que Mickaël est là ce soir, sinon ma soirée serait merdique. Mais oui, on est là, Eric. Et merci à vous d'être là aussi tous les soirs. Il y a Megumi aussi qui dit la chanson qui met la pêche, c'est Sister Sisters avec Let Have a Kiki. Et Lena également qui dit il n'a peur de rien, il y a ma mort de rire et la fille qui sait qui l'appelle. Bah oui, et Mickaël qui dit je suis sorti avec mon prof et je voulais en parler, mais il n'y a pas de numéro. Bah oui, mais appelle le standard là, 01 42 48 5000. On va continuer à en parler avec Samy dans quelques minutes. Et je vous l'avais promis, on va se faire également le jeu de la rupture. Puisqu'on a eu des petits problèmes avec le standard, donc on va pouvoir le faire maintenant tranquillement. Jesse, Joey, vous êtes toujours là tous les deux? Toujours, toujours. Parfait, alors on y va, c'est parti, on recommence. Joey, on appelle quelqu'un. Le but, que tu aies une discussion de rupture la plus longue possible. Enfin, du moins plus longue que Jesse. Allez. Qu'est-ce qu'il n'a pas compris dans quand il n'y a plus de musique, tu dis allô? Allô? Oui. Quand même. Salut, ça va? C'est qui? C'est Joey. Hein? C'est Joey. Joey? Oui. Écoute, je voulais te dire, tu sais, entre nous, ça peut être possible. Hein. Joey, quoi? Tu sais très bien, entre nous, c'est plus possible. Je peux plus te supporter, je peux plus t'encadrer, c'est plus possible, quoi. Si tu es, toi? Ouais, tu sais très bien, fais pas l'innocent, je sais très bien que t'es qui je suis. Vous trompez de numéro là, allez. Ben non, je me trompe pas de numéro, écoute, tu te rappelles de moi? Non, allez, ciao. Hier soir. Hop là. 42 secondes, Joey, hein. 42, c'est pas mal. 42 secondes, bon, on peut mieux faire, Jesse? Oui. Oh, ça va, t'as un boulevard là. 42 secondes, c'est gérable. 42 secondes, c'est plus que gérable. On y va, Jesse, on appelle à ton tour maintenant. Le principe est toujours le même. Il faut avoir une discussion de rupture. Dès que tu n'entends plus la musique, tu dis allô. Ok. Allez. Ah, bah allez. Tu l'appelleras le dépanneur aussi. Hein. Allô? Oui? Ça va? C'est qui? C'est Jesse. Pardon? C'est Jesse. Jesse? Oui. Je t'appelle pour te dire que c'est fini entre nous. Allô? Allô? Allô? Oui, je crois que vous faites une erreur de numéro. Hein. Non, pas du tout. Allô? Oui? Vous m'entendez? Oui. Voilà, je t'appelle pour te dire que c'est fini entre nous, donc voilà. Pardon? C'est fini entre nous. C'est fini entre nous? Oui. Allô? Oh, le téléphone de merde! Le pire du monde. Ouais. Oui. Allô? Je pense que vous faites vraiment une erreur de numéro. Hein. Non, je connais pas de Jesse. Ah bon? On s'est rencontrés il y a pas longtemps. Allô? Oh, c'est dur. Allô? Oh, c'est dur. Bon, l'autre, elle fait une minute avec ça. Enfin... Vous m'entendez? Oh, mais c'est bon que l'autre, elle est sourde, hein, parce que sinon... Oui? Putain, c'est ouf. Oh, quelle angoisse, c'est une discussion Allô de merde. Allô? Oui? Oui? Voilà, c'est fini entre nous. D'accord, mais vous savez qui je suis? Oui. Et je comment suis je qui? Comment je m'appelle? Allez, hop. Mais... Je peux pas vous te dire comment tu t'appelles. C'est fini entre nous, point final. Ouais, et ben c'est fini avec elle également, là, elle vient de raccrocher, là, on a eu marre. 1 minute 17, Jessie, là, pas mal, pas mal, pas mal. Bon, allez, Joey, on n'a pas peur, hein. 1 minute 17, c'est le score à battre. Tu peux faire mieux, on croit en toi. Donc, du coup, bah, Jessie, on garde le suspense, tu vas rappeler directement, hein, Joey fera le dernier. D'accord. Allez, Jessie, c'est parti, si tu fais mieux qu'une minute 17, on gardera ce nouveau score, si tu fais moins bien, on gardera 1 minute 17. Quoi qu'il en soit, Joey doit battre 1 minute 17, c'est impératif, minimum. J'espère qu'on va tomber sur quelqu'un qui a meilleur téléphone que l'autre là parce que. Oh, Steve. Allô ? Allô ? C'est qui là ? Vous vous appelez à minuit là ? Ouais, c'est Jessie. Minuit moins 5. C'est qui Jessie ? Bah ta chérie. Allô ? Qu'est-ce que ta chérie ? M'en fous. Allô ? Oui, allô ? Oui, qui c'est ? C'est Jessie en fait, je t'appelle pour te dire que c'est fini entre nous. Hein ? C'est fini entre nous. Mais qui c'est ? Bah c'est Jessie. Oh, déjà tu te trompes, c'est minuit, il y a des jeunes qui travaillent, d'accord. Alors, va te faire un peu enculé, tu te fous de ma gueule en plus, je te le dis moi. Non, non, non, attendez, attendez, allô. Hop là. Va te faire enculer un peu, 42 okay secondes, Jessie, hein. Va te faire enculer. Va te faire enculer, gros bâtard. Ah, on a eu le sud et le nord là, en même temps, c'est parfait. Bon, Joey, donc score à battre 1 minute 17, puisque Jessie n'a pas pu faire mieux que son record à elle, d'accord. On y va. Allez, Joey, plus d'une minute 17, tu gagnes. Moins d'une minute 17, c'est Jessie qui gagne. On y va, on appelle. Bonne chance, Joey. Merci. Allez, hashtag et Mickaël, lequel va gagner à votre avis, Jessie ou Joey, on verra. Bon, Joey, café de musique, c'est à toi. Hein. Ok. Sois bon, eh oui. Allez. De toute façon, il est 23h55, on n'a jamais de chance avec le dernier appel. Jamais. Allô. Oui, allô. Ça va ? Il suffisait que tu te dises. Comme quoi ? Je te dérange pas ? Allô ? Pardon ? Et je te dérange pas ? C'est qui ? C'est Joey. Vous trompez de numéro, là, monsieur ? Non, écoutez juste ce que j'ai à te dire, s'il te plaît. Je vais juste te dire que, ben, écoute, entre nous, c'est plus possible de continuer. Ça va plus, j'arrive plus à rester avec toi, je me sens mal et tout. Donc, ben, j'aurais juste envie de te dire que c'était fini, quoi. Alors, tu vas te tromper. Non, non, mais écoute ce que j'ai à dire, s'il te plaît. C'est terminé, on arrête là, on n'en parle plus. Je te rappellerai plus. Et tout ira bien comme ça. T'es qui ? Ben, je te l'ai déjà dit, je suis Joey. Je te rappelle pas. Vous deux, vous trompez vraiment de numéro, monsieur, parce que moi, je suis marié et je pense pas que c'est avec moi que vous ayez affaire. Ah si, si, je t'assure, je suis marié avec toi, ça va faire une trentaine d'années. Donc, voilà. Non, je pense pas, non. Ben, après, voilà, je t'ai dit comme ça, c'est fini, on n'en parle plus. Écoute, on peut aller t'expliquer un jour, attention, si tu veux, autour d'un verre. Vous deux, faire erreur. Ben non, non, non, si je te dis que je t'appelle toi, c'est que je fais pas erreur. Oh là là, oh là là, ça prend pas mal, hein. Oh là là là là là là. Joey. Oh là là, t'as fait un putain de score là, Joey. Ah ouais. Ah ouais, mec. Combien? À ton avis? Je sais pas, 2 minutes. 2 minutes, non, tu t'es un peu emballé quand même. Ouais, quand même, tu t'es un peu emballé, hein. Bon, alors, Jessie, t'as fait 1 minute 17. Oui. Et Joey a fait 1 minute 16. Oh putain. Oh, c'est pas possible. Et si. Oh là là. Putain, Joey à 1 seconde, bordel. Oh. Enfin 2, parce que sinon il y aurait eu égalité. Ouais, bah à 2 secondes quoi. Oh putain. Oh là là là là là. Bah Jessie, bravo hein. Bravo. Sur le film et bravo, le casque focal est pour toi, ça vaut 200 boules. On va t'offrir ça avec grand plaisir, Jessie. Et puis bah Joey, bah on va t'inviter simplement à revenir quand tu veux. Hein. Ouais, pas de soucis. Bah j'espère bien. Bon bah passe une bonne soirée et une bonne soirée et bonne nuit à l'écoute de Fun quand même. D'accord, merci. Et on embrasse tout le monde à Belfort. Salut Joey. A bientôt, ciao à toi. Allez vas-y, t'auras gagné ça à une personne, hein, tu connais la règle. Ouais, une personne, ouais. Vas-y. Alors je fais une dédicace à ma chérie Emma. D'accord. Bon, eh ben message passé, sans problème. Salut, salut, à bientôt, Joey. Ciao, à bientôt. Allez, bye à toi. Et Jessie, bah bravo, hein, casque focal pour toi. Tu vas retourner au standard chez Sandro. On va prendre tes coordonnées très rapidement, d'accord ? D'accord. Salut, Jessie. Salut. Allez, à bientôt, ciao à toi. Eh ben voilà, deux secondes quoi. Ouais. Oh l'angoisse, à deux secondes près. Bon, du coup, ça nous a mis en retard toutes ces conneries là. On va récupérer Johan, on va récupérer Maël. Maël qui voulait draguer Johan. Enfin, Johan qui a demandé à se faire draguer. Opération de Samy également qui sortait avec sa prof et depuis bah, qu'il l'a viré, elle lui colle des mauvaises notes et c'est un peu la galère. Et donc, je voulais savoir si vous étiez déjà sorti avec vos profs, comment ça s'est passé. On sait que Toff est en kiff sur sa prof de maths, fut un temps. Oui, voilà. La belle Véronique. Voilà, moi c'était ma prof de français, une petite blonde. Il était bien, hein. Il était bien. Bon, j'avais 13 ans aussi. Mais il s'est rien passé, hein, cela dit. Mais avec Véronique non plus. Oui, bah, ça a été la déception de ma vie. Bah, elle est tombée enceinte et là, c'était un drame. De toi ? Non, malheureusement. Ah, genre, malheureusement. Malheureusement pour dire que c'est pas moi qui couchais avec elle. D'accord, d'accord. Bon, et on va parler de cette info justement un peu spéciale sur laquelle je suis tombé. Donc, c'est le Femilift qui permet aux filles de se faire une petite opération qui consiste à introduire un laser dans leur vagin pour le rétrécir et par ce fait donner plus de plaisir aux mecs et à elles aussi, a priori, mais aussi aux mecs. C'est bizarre. Donc, je propose que nous fassions le premier appel maintenant. Mais allons-y. Hein, je rappelle que nous prévenons ces gens, bien entendu. Hein. C'est évidemment des préventifs. Exactement. Oui, ce genre d'appel, c'est évidemment, médical. C'est toujours préventif. Donc on y va, on appelle maintenant pour les prévenir. Si vous avez des numéros de gens encore debout à cette heure-ci, n'hésitez pas. Vous envoyez un petit mail, toph@funradio.fr. C'est le mail de Toff. Vous lui envoyez des numéros et puis nous on les appelle tous les soirs en direct. C'est parti. Allez, c'est parti. On sera dans le nord ou le sud, je ne sais pas. Allez. Et vous suivez tout ce que Sandro dit en direct live. Pour ceux qui ne savent pas. Oui, bonsoir madame. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez envie de. Enfin, vous accepteriez de vous faire réduire le vagin pour donner plus de plaisir à votre mari. Bonne comme question. Pour ce qu'on va vous avec ça à foutre. Bah oui. C'est pour ça que je vous appelle, madame. J'ai pas que ça qu'à foutre. Bon, on va la rappeler la dame, elle avait l'air gentille en plus. Oui, elle est adorable. Bon, c'est reparti, on y retourne là. Une sympathie sans borne. Bah totalement. Il y aura Eminem aussi à suivre dans quelques minutes. Oui, excusez-moi, on a été coupé. Oui, excusez-moi, oui, c'est pas votre problème. Ben en fait, je voulais savoir si votre femme, elle serait prête à se faire réduire le vagin pour vous donner plus de plaisir, monsieur. Oui, mais j'aimerais bien, moi, vous rencontrer puis vous réduire autre chose, à mon avis. Ça vous va, ça ? Ben pas trop, vous monsieur. Vous savez où elle habite ? Vous savez où j'habite ? Vous venez tout de suite et puis on en parle. Ça vous va ? Ben non, moi, je voulais juste une réponse par téléphone. Moi, je vais vous réduire, moi, c'est autre chose, moi. Oui, monsieur. Donc, mais... si vous êtes un peu un homme, vous mettez votre numéro pas masqué et puis on se rencontre. Ça vous va ? Bah non, c'est pas la peine, monsieur. Il faut juste que vous répondiez à la question. Est-ce que votre femme, elle est d'accord ou pas ? Point. Moi, je ne réponds pas à des questions de gens qui cachent leur numéro déjà. Mais ça vous va ? Bah, je vous donne mon numéro si vous voulez. Bah donnez-le. Alors 01. Oui, mais 01, c'est des numéros de merde, ça, 01. Vous comprenez ça ? 01, c'est Paris. C'est pas un numéro de portable. Bah non. Vous prenez pour un con ou quoi ? Bah non, je vous appelle avec un fixe, monsieur. Oui, de Paris, 01. Bah oui, de Paris, ici, oui. Là. Ici, on est dans le 03. Bah oui, et alors, monsieur ? Eh bah, et alors ? Bah déplacez-vous, et puis on en parlera. Pourquoi vous voulez que je me déplace, monsieur ? Dans une cabine ? Bah pour voir que je vous réduise quelque chose, moi. Vous comprenez pas ? Vous comprenez pas le français ? Bah si, mais c'est vous. Vous faites un dessin ? Bah j'aimerais bien, oui. Vous voulez que je vous parle en votre langue ? Bah essayez pour c'est voir. Pas votre problème. Essayez dans c'est une pas autre problème. Bah essayez dans une autre langue pour voir. Vous l'avez eu, son numéro ? Bah on me l'a donné, monsieur. Ah, qui ? Pardon ? Vous comprenez rien ou quoi ? Bah qui non. Qui vous a donné ce numéro ? Bah je sais pas, monsieur, moi on m'a donné le numéro, je vous ai... Je vous a donné ce numéro, mais vous savez pas. Eh bah allez vous faire foutre, allez vous faire bien enculer. Vous comprenez ça ? Bah oui, ça je comprends, mais ça n'a aucun rapport avec ma question. On lui a donné son numéro. Oh bah dis donc, il comprend rien quoi lui là. Ah là là, parce qu'il comprend rien toi, apparemment. Hein. Bah bon, quand même, on va le rappeler. Hein. On va le rappeler quand même encore un petit coup là. C'est parti, attends. Allô. Oui, excusez-moi madame, mais votre mari est un petit peu agressif. Oui bah, ça qui est derrière est vraiment pas intelligent non plus hein. Pardon. C'est pas mon mari déjà. Ah d'accord. Parce que du coup alors forcément, moi je voulais savoir si vous seriez prête à vous faire réduire le vagin ou pas. Oui bah allez vous faire foutre comme il a dit et puis voilà, vous me laissez tranquille. Et puis comment vous avez mon numéro déjà ? Bah on me l'a donné. Bah vous me dites c'est qui alors ? Bah je sais pas moi. Bah vous savez pas la personne qui vous l'a donné, vous prenez pas pour une con quoi ? Bah non pas du tout madame, moi je les connais pas les gens qui me donnent les numéros. Bah non, ils vous donnent comme ça le numéro. Non mais t'as gueulé, c'est comment je m'appelle, je vais être un boxeur. Non mais là ta gueule. Mais con, pas du tout, moi on me donne des numéros, j'appelle les gens et puis vous répondez à la question, c'est tout. Oui, bah vous allez vous faire foutre, vous lâchez mon numéro et puis c'est bon. D'accord. Mais vous voulez pas répondre à la question avant? Bah je vais vous répondre à des questions comme ça, ça vous regarde pas, vous allez faire foutre. Va te faire foutre, pauvre con, ouais, pauvre con, enculé, les gens sont d'une vulgarité, assez fou quand même. Alors que nous, on est là, on essaie de les aider. Enfin, moi, je suis vraiment incompréhensible. Mais oui, la paix, l'amitié, l'amour, enfin tout ça, quoi. Mais oui. Bon, allez, Johan et Maël, dans quelques minutes, on les récupère. Samy également, on va appeler le dépanneur, comme promis. On va se refaire un coup de la colle avec Selena. Mais on va se le faire en speed avant de mettre le son de d'Eminem et Rihanna. Dans quelques minutes avec The Monster. T'aimes bien ça, Selena? Oui. Oui, t'aimes bien. Mais oui. Et le nouveau son aussi, New World Sound avec Float, là, que je vous passe avant minuit 30, là. Ce sera celui-là. Tu connais celui-là ou pas? Ouais, ouais. Très j'écoute bien. Tout le temps, hein. Ah, parfait. Bon, on va te le mettre dans quelques minutes, tu vas voir. Bon, avant ça, on se remet un petit coup la colle pour gagner l'iPad Air. Alors, fais péter la colle, on donne la réponse avant minuit 30. On t'écoute, Selena. Alors, j'ai 4 dents. Ouais. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? J'ai 4 dents. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? Pour gagner l'iPad Air, à vous de jouer maintenant. Vous envoyez MIKL, les 4 lettres, espace la réponse, au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Ça marche aussi sur le Facebook, bien sûr. Vous êtes de plus en plus nombreux d'ailleurs à nous rejoindre sur le Facebook et le Twitter. Vous tapez MIKL officiel. On proposait un bébé? Non. Non, un petit lus, c'est Romuald qui proposait ça? Non. Non, non plus. Bon, bah très bien. Bon, si vous avez la bonne réponse, hein, à vous de jouer, comme je le disais. Et Mickaël, suivi de votre réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez bien sûr aussi vous inscrire, comme je vous le disais, sur le Facebook. Facebook.com/MIKL officiel. Vous allez voir sur la photo, il y a l'iPad, la boîte et l'iPad en lui-même, l'iPad Air. Et donc, vous répondez. Si vous avez la bonne réponse et que vous êtes tiré au sort, à vous l'iPad Air avant minuit 30. Et si personne n'a la bonne réponse ou que la personne qu'on appelle, c'est le répondeur, c'est toi qui gagne. Selena, enfin, c'est toi qui gagnera. Ouais, j'aimerais bien. Bah, j'imagine. Bon, bah, Selena, à tout de suite, on te reprend dans quelques minutes, d'accord? À tout à l'heure. Bon, allez, à tout de suite, Selena. Et je vous l'avais promis, on se le met maintenant. Eminem et Rihanna dans Monster. Il y aura les teubés de la télé juste après. I'm friends with the monster, the son of my bed. Eminem, Rihanna sur Fun Radio, c'était The Monster. Et oui, restez bien là puisque je vous cale comme promis de New World Sound avec Flute dans quelques minutes. Il y aura Pitbull et Kesha avec Timber également. Et puis on le demandait également le son de Asi avec Born Again. Ça aussi je vous cale tout à l'heure avant 2h du mat sur Fun Radio, donc restez bien à l'écoute. Il y a Megumi aussi qui avait envoyé un message là, Megumi qui avait envoyé son message sur le Twitter qui dit pas besoin de ce laser pour réduire le vagin, pardon, les filles, suffit les trasiatiques. Bah ouais. Il y a Valentin qui dit blague de merde juste pour toi, comment appelle-t-on les couilles de dauphin? C'est des boules de flipper. Ah bah merci. Et Benoît également qui avait envoyé son message. Moi c'est ma prof de français en première au lycée. En plus je l'ai vu il y a quelques jours. Le prince Nadia qui dit Polo, Sandro, Mikael Toff, 4 animateurs au top. Merci. Et Let's Be Freaks qui dit jamais je ne ferai cette intervention pour me faire rétrécir le vagin. Faut être timbré du cerveau pour faire ça. Bah oui. Il y a Dédé également qui dit je t'ai en kiff sur ma prof de français sauf que j'étais en 6ème donc ça pouvait pas trop le faire pour le draguer. Bah tu m'étonnes. Et Gilbert qui dit aussi sur le Twitter c'est inconcevable de coucher avec des profs. Et Pierrot. Je comprends bien l'idée. Bah ouais, je me souviens de ma prof d'espagnol, 23 ans, est vraiment belle. Ah oui, ouais, ouais, 23 ans. Et on a tous rêvé de bourrer un prof. Une prof. Ouais. Bon, ah moi j'ai rêvé. Oh bah ouais. Et Jérémy qui dit désolé l'équipe, j'ai une heure de retard, j'espère que j'ai pas loupé grand chose, je mérite un bon coup de pelle. Oui ça, effectivement, oui, je te le confirme. Hop là, c'est fait. Et enfin Jonathan, tu peux faire la guitare pour une amie qui aime t'entendre jouer. Oh, allez, d'accord, ok. Ah, allez, sors ta guitare, Mickaël. Bon, je fais la même chanson. Je chante aussi ou pas? Bah oui, ta grosse guitare. Bon, alors attendez, j'enlève la musique. Hop là, voilà, c'est. Bon, attendez, je m'écarte un peu parce que la guitare prend un peu de place. Allez. Bon, attention, je vais chanter. Mais j'ai pu chanter depuis la semaine dernière, donc j'ai peut-être un peu la voix enrouée là. Faudrait la réaccorder. Allez, on y va, c'est parti, attention. Je vais jusqu'au refrain. Ouais. And the same voice come to me like it's all slowing down. And believe me. Allez, attention, c'est le refrain. Je remets ma voix en aigu. Attention. I was the one to let you know. I was just sorry ever after 74, 75. hey, je peux pas, je peux pas plus faire. Un moment après, je vais me tuer la voix là. Déjà, hey, pour la mettre en aigu, c'est pas facile. Attention. Hein. Bon, bah voilà. Au moins, t'as eu ta petite chanson, la guitare, t'as même eu le chant. J'espère que ça fera plaisir à ta copine. Bon, il y a Nathalie elle aussi qui dit, il était mortellement bon le dernier appel de Jesse. Bah, et Megumi, moi au collège, j'avais ma prof d'espagnol et le prof de sport également. Elliot qui dit, ils sont pas très bons ce soir, mais je sais pas à quoi tu. Ah oui, c'était par rapport au. Aux appels de rupture. Et Daoud Douida qui dit, ah, la vidéo de Toff, trop fort Toff avec sa bière. Ah oui, dans la vidéo de foot que je vous ai mis sur le Facebook là, facebook.com/mikael officiel. On peut dire la vérité, elle était dégueulasse. Ouais, on dirait la série vestiaire de l'RTBF. J'ai pas vu ça encore. Et Sandrine, vous déchirez grave, restez comme vous êtes, continue comme ça Mikael, je vous adore, kiss. Bah merci Sandrine et gros bisous à toi également. Bon, allez, on va récupérer avant qu'ils s'endorment là. Johan et Maël, sorry les mecs, hein, on a été un petit peu en galère là. Maël, t'es toujours là? Oui. Qui c'est qui chante? Johan. Ouais. Tu dis cru chez toi ou quoi? Comment dingue, hein? Il s'est cru où, Johan, là? Pépère, non, la cool, là, non? J'écoutais Stromae. Ah bah normal, tu te dis pas que tu vas écouter l'émission, non? Tant qu'à faire. Si, mais j'ai un oreille sur Stromae, un oreille sur l'émission. Un oreille. Ah, tu as un oreille. Bah, c'est pas, bah garde le bon oreille, hein, dans le bon oreille, dans le bon sens, hein, dans le bon du sens, hein, d'accord? Ouais. Très bien. Bon, alors, écoute, on a vu la photo, Maël. Hein. Ah, ça y est, ouais. Ah, il est BG, hein. Ouais, il est grave BG. Ah, ouais. Ouais. Mais là, sur le Facebook de Mickaël. Ah, bah, il a coupé Justin Bieber. Johan, je peux mettre ta photo sur le Facebook ou pas? Bah, ouais. Sûr, ouais. Hein? Bah ouais, tu sais qu'il y a des gens, il y a des gens, ils vont t'insulter, ouais. Tout ça, des jaloux. Je m'en bats les couilles. Tu t'en branles. Mais ouais. Ok. Non. Remarquez bien la coupe, soit Justin Bieber, soit Playmobil. Ouais, mais non, c'est un dégradé. Ah, c'est un dégradé, d'accord, ok. Alors attendez. Alors attendez, je mets la photo en direct là. Bouge pas, attends, je te la mets, je la sauvegarde sur l'ordi. Voilà, ça y est, tac, je vais sur le Facebook. Et vous l'aurez aussi sur le Twitter et le Facebook. Alors attention, merde, il faut se connecter. Oh là là, quelle galère, évidemment, faut toujours mettre le mot de passe quand ça fait chier. Voilà. Bon, donc je vais mettre. Voici la photo de Johan de Villeurbanne. Ok, ouais. Et quoi, okay. Je demande l'avis des auditeurs ou pas? Mais mon Facebook aussi, au cas où il y a des filles qui veulent me contacter. Arrête de te la raconter. Hein, tu te la ramènes un peu là. Hein? Oh. Un petit peu quand même, non? Un peu? Non, mais mon Facebook en cas. Si. La raconte. Bon. Alors, voici la photo de Johan de Villeurbanne. Tu remettras un commentaire et comme ça au moins ils auront ton ils Facebook. Ils sauront qui tu es. Okay. Que pensez-vous de son physique? Ouais. Non, de sa tête. Voilà. Ouais. Au final, c'est ça. Hein. Que pensez-vous de sa tête de bite, hein, je rappelle, ouais. C'est son prof d'anglais qui l'a dit. Et surtout, la coupe à la Justin Bieber, mais de l'époque. Hein. Ouais. Mais à l'ancienne. De l'époque. À l'ancienne. Ouais, de l'époque où ils vendaient des disques. Voilà. Il avait pas de cheveux. Accessoirement, ouais. S'il n'allait pas dans les boîtes de striptease et voir les prostituées. Voilà, c'est ça. Il ouais. Même pas de cheveux. Comment ça, t'as pas de cheveux? T'es sérieux, là? Qu'est-ce que tu racontes? Johan. Oh, t'es blindé de cheveux, là. Attends, Johan, je la poste. Tu n'es pas à Wonderland, ici, hein. Ouais, tu n'es pas à Wonderland, comme dirait Jean-Pierre Sauzère. Ça y est, c'est fait, hein. Facebook.com, il y a Julie qui disait la photo. Bah, elle arrive, là, elle est en train de se ploder. Ah non, elle le Et sur Twitter, tu l'as mise ou pas? Ouais, bah, elle est pas encore, là, mais ça va arriver en même temps des deux côtés. Donc, facebook.com/mikaelofficiel et sur Twitter, vous m'ajoutez également, hein, vous tapez Mikael officiel. Eh, hey, c'est ta photo, ça? C'est pas moi, ça, t'es fou. Mais t'es sérieux, c'est la photo que j'ai reçue, là. C'est pas moi. Si, alors. Attends, ça se trouve, c'est pas lui. C'est qui? Mais tu l'as envoyé à Sandro, la photo. Mais c'est pas moi, mais ouais, mais je l'ai envoyé avec l'adresse email de mon pote. Yassine. Et alors? Bah, pourquoi tu nous. Pardon. Alors, Maël, t'en penses quoi? C'est pas lui. Mais c'est pas mais moi. C'est quoi cette photo? Attends, mais c'est quoi cette connerie, alors, là? Eh, hey, Johan, t'es roux? Mais non. T'as les cheveux oranges? Non, je suis brun. T'as et... des lunettes. Oh putain. Eh hey, Johan, tu fous de nous. Hey, ouais, enlève, la touffe, enlève la touffe, c'est pas lui. Attends, je vais la mettre sur ta page. Bon, attends, ah, c'est bon, là. Ah, ça y est, bon, alors, je la vire. T'as un petit soupule gris, la façon, non? Bon, je l'ai viré. Bon, renvoie-la moi. Attends, laisse-moi voir là. Johan, c'est toi avec le petit soupule gris? Oh là là. Hey, Johan, on aurait mieux fait de garder l'autre, hein. Ouais, on aurait dû mieux faire de laisser Justin Bieber. Mais comment? Papier peint beige, c'est toi? Ah, il est super. Ah ouais, non mais t'es pas mal, Johan, hein. Ah ouais, là tu vas avoir du com, mec, hein. Non mais Maël, ouais. Maël, là, je pense qu'il y a moyen, hein. On peut avoir la vraie photo ou pas? Bah non, mais là du coup je vais pas la remettre, ça a pollué le truc là, mais je vais la remettre après. Mais là maintenant on va d'abord faire les teubés de la télé. Voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te l'envoyer directement par mail, comme ça tu la verras direct. D'accord? Ouais. Bon, et tu pourras juger sur pièce. Voilà, c'est ça. Bon, alors bougez pas. On va se faire les teubés de la télé et puis on va parler aussi des musiques qui vous donnent la patate, qui vous mettent de bonne humeur justement. On en parlait depuis tout à l'heure justement. Bon, et avant ça, bien entendu, nos amis les teubés, bien sûr, teubés de la télé comme chaque soir aux alentours de minuit. Hein. Et cette fois-ci, c'est Confessions Intimes. Hein. Et oui, dans Confessions Intimes, on a trouvé le prof d'anglais de Jean-Pierre Sauzère. Je suis en colère, alors j'efface tout, je te supprime de mon Facebook. Le fameux Facebook. Voilà, parce que Jean-Pierre Sauzère, c'est un chanteur, bien sûr, qui a un peu de mal avec l'anglais, même beaucoup de mal avec l'anglais, puisque lui, c'est Facebook, iTunes, MySpace. Et alors, donc son nouveau titre, c'est Jean-Pierre, ils ne vont d'Orland. À la place de dire Wonderland et au pays des merveilles. Donc, hein. Et puis, dans le Canal Football Club, on a un joueur qui arrive d'un endroit un peu particulier. Et l'entrée de Silvio Romero, l'Argentin, Silvio Romero. Arrivé cet été de Lanús. Ah oui. Le club de Lanús. Hein. Voilà, le club de Lanús, le club des trous du cul. Et dans Jusqu'ici tout va bien, on a trouvé une concurrente à la mobilette de Toff. C'est la moto d'Arnaud apparemment. Elle a plus de gueule, hein. Oui, elle fait c'est, plus. C'est Arnaud Ducret qui avait fait la petite moto là. Mais ça va, hein, tranquille la moto là, pépère. Hein. Non, elle est pas mal, elle est pas mal. Mais contrairement à la celle-là. Bah tu vois, j'ai envie de dire, il y a pas photo hein. Ouais, j'avoue. Ah, il y a pas photo du tout même, il y a pas photo du tout. Bon, Selena le retour dans quelques minutes. Maëlle, est-ce que t'as eu la photo? Oui. Ah, alors qu'est-ce que t'en penses? On a pas la même définition. Ah, donc de BG, il t'intéresse plus Maëlle? Bah la voix colle pas avec la tête en fait, enfin, la voix... La voix va pas avec la tête. Je pense que c'est le pire truc que tu puisses dire quoi, c'est ta voix colle pas à ta tête. Ouais. Non mais bon bah tant pis, alors c'est pas grave Maëlle hein. Bah ouais, c'est dommage quoi, parce que ouais. La voix ça allait tu vois, et puis il fait bien les... Et puis là l'échec total quoi. Ah ouais, carrément, c'est la déception Bah oui. Bah écoute, qu'est-ce que tu veux, ça arrive. C'est pas grave. Bon bah Maëlle, à la prochaine alors. Bah ouais, et puis j'espère qu'il va trouver... Mais oui, mais il va trouver chaussures à... et chaussures. Oui, chaussures tout court. Voilà, il n'y a pas de problème. Bon. Tu peux passer une dédicace? Allez, vas-y, t'auras gagné ça au moins là. À une seule personne, hein, vas-y. Ouais, donc passe une dédicace à Arthur alias Vomito. Alias Vomito, d'accord, ok, très bien. Et on peut achever Polo aussi, si c'est possible, tant qu'à faire, hein, très bien. Bon, salut Maëlle, gros bisous à toi, à bientôt à Lyon, ciao. Merci, bisous. Allez, bye. Et si vous êtes intéressé par Johan, là, appelez-nous, hein, 01 42 48 5000. Et pour la Belgique, 02 851 4x0. Johan, reste avec nous. Faut qu'on appelle le dépanneur aussi, parce qu'il va commencer à être tard, là. Hein. On va l'appeler maintenant, là? Oui, allez, on appelle le dépanneur. Ou alors d'abord New World Sound. Oh, New York. Allez, un peu de musique pour se mettre en forme. Ouais, très bien. Et après, on appelle le dépanneur. Ouais. On fait encore des appels avec Toff. On va récupérer Selena pour la colle et pour gagner votre iPad Air. Et puis, on aura Samy aussi qui est sorti avec sa prof. Et depuis, bah, elle lui colle des mauvaises notes. Donc, si vous êtes déjà sorti avec votre prof, à un moment ou un autre, hein, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être avant, ou même ou si vous êtes dedans actuellement, enfin, pas dans votre prof, hein, mais dans la relation avec votre prof. Oh, si vous êtes dans le prof, c'est pas mal. Vous pouvez aussi, ouais. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a Simon qui dit: je vous écoute depuis les States à Memphis. Oh. Un petit message de bienvenue. Putain, Elvis, Elvis Presley. Exactement, bah, j'en ai bien. Par contre, je pourrais bien niquer ta mère si tu veux. Voilà, tu vois, ça aussi. Bah voilà, tiens, bébé, bienvenue à toi. Et également, message de Milly Filou qui dit: mort de rire, la voix ne colle pas avec la tête. Dylan qui dit: mets la photo d'Yohan sur ton Facebook, là, il se la joue trop. Et Nero qui dit: sa voix ne colle pas avec la tête, déception. Ah oui, et The Cousin qui dit: ça y est, j'ai 21 ans aujourd'hui, je commence mon anniversaire avec vous gérez. Ah bah, musique d'anniversaire. Attends, hop là, elle est la musique d'anniversaire. Voilà. Bon anniversaire. Et en attendant, il y a Laetitia aussi qui dit: putain, excellent Johan, il assure grave, il se démonte pas, je trouve trop délirant. Ah bah voilà, t'auras peut-être Laetitia, tiens. Et Clémentine, nous aussi on va voir Johan, vous êtes trop fort, continue comme ça. Bon, je vous mets la photo là dans un instant de Johan, comme il était d'accord. On met ça dans quelques minutes. Juste après, un son que vous nous avez fait découvrir. Eh ouais, on les a demandé ça il y a la semaine dernière, je vous l'ai mis une fois. Eh ben maintenant on se le met de temps en temps. New World Sound avec The Flute maintenant sur Fun Radio. Il est minuit 22, les appels avec Toff. On va les faire dans quelques minutes et on va parler également des musiques qui vous mettent de bonne humeur. Si vous en avez, hashtag et Mickaël ou par SMS, n'hésitez pas, on revient juste après ça sur Fun Radio, c'est la nuit sans pub. Voilà ce qu'on a découvert, enfin que vous nous avez fait découvrir plutôt New World Sound sur Fun Radio avec The Flute. Il y a un message qui est arrivé en disant Polo là ça craint pour quelqu'un qui te copie là. Ah bon? Bah oui, il y a mis Pipo là dans, ouais, le, dans New World Sound là. Ouais, mais je suis quand même au-dessus de tout ça. Ouais. C'est vrai, un petit peu quand même. Ouais, tu sens qu'il y a un autre level quoi. Ouais, ah ouais, ouais, c'est vrai. Il y a DMX aussi qui dit comment s'écrit la famille de le nom de famille de Jean-Pierre. C'est Jean-Pierre Sauzer, S-A-U-S-E-R. Il y a Benoît aussi qui dit la pire insulte entendue, mort de rire, ta tête colle pas à ta voix. Et Olivier qui dit moi c'était ma prof de sport avec son string qui dépassait, je lui aurais bien fait le cul à cette coche. Oh là là, moi aussi je suis classe Olivier. J'adore quand tu sors la guitare, tu me fais rêver. Oh de rien Sylvie, écoute, il y a pas de problème. Angélique qui dit appelle le dépanneur là, il fait toi passer pour le papa à cheval pour le principe. Non, j'ai une autre idée, vous inquiétez pas. Oh là là. Manou qui dit vous êtes les meilleurs tous les soirs, je vous écoute depuis mon lit, je peux avoir un message de bienvenue. Alors si c'est depuis ton lit, alors j'ai envie de te dire avec plaisir et je vais t'en mettre un, tiens. Qu'est-ce que je peux mettre? Celui-là, tiens. Là je vais t'enculer moi, t'as l'air bâtard. Oui, d'accord, bah voilà, écoute Amy, excuse-moi. Angélique, ah oui, le dépanneur, on va l'appeler. Christelle qui dit Mickaël, ça va être du pitoyable, mais pas digne de pitié le 24 décembre. Je confirme, on sera en direct avec vous la soirée du 24 décembre. Pendant que tous les autres ne seront pas là, pendant que tous les autres seront peut-être en train de faire la fête et qu'ils vous auront abandonné sur les autres radios. Oubliez, nous serons là car nous passons la soirée en famille, c'est-à-dire avec vous. Donc 24 décembre dès 20h, prévenez tout le monde, on sera là pour passer le réveillon avec vous. Donc si vous faites chier, c'est vous. Eh ben vous mettez une petite oreillette, voire vous nous écoutez tranquille, hein, ou alors vous nous mettez dans le coin du salon. Ah oui, en famille. Voilà, en famille, comme ça on passe la soirée avec vous, en famille également. Mais tiens. Ouais, ah, ben voilà. Aimer, la famille. Mais oui, elle va prendre cher par son dépanneur, ah ben c'est sûr. Et Amel aussi qui dit moi j'ai dit à ma prof d'anglais qu'elle aimait que blowjob et elle m'a collé 2 heures, j'ai été renvoyé temporairement. Oh putain, c'est chaud ça. Toff, bon. Il pue de la gueule, une ogive nucléaire dans sa gueule, s'il vous plaît. Et Léna aussi qui dit il n'a peur de rien, ce gamin mort de rire, et la fille qui appelle. Bon, alors on y va, on va appeler le dépanneur là, on va récupérer juste après Samy. On aura également Alexis qui voulait réagir à Samy, et puis la colle avec. Selena, attention, le dépanneur. Alors c'est moi qui l'en charge. Ah bah ouais. On connaît pas son prénom? Non. Bon bah tant pis, je vais me débrouiller. Putain la honte. Mais non, t'inquiète, laisse-moi faire. Tu vas faire quoi? Je sais pas, je verrai. Il va le mettre bien. Si ça répond. Pire, je laisse un message. Non, au pire, on appellera demain, c'est pas grave. Ça a plus de répondeur. Avec sa meuf, peut-être. Il a répondu tard, hein, quand même. Ah, c'est vrai qu'il est tard. Il a envoyé tard, moi, le message, et il a répondu derrière. Ah, parce que c'était toi, là, c'est un numéro masqué. Ouais. Ah, mais il peut être démasqué. Exactement. Lui, il les démasque. Bah, déjà, il a pas de répondeur. Et il doit être. Ça se déjà, trouve, tôt demain. Déjà, c'est un charclo, il a pas de répondeur. Il a même pas activé l'option gratuite. C'est pas grave, ça. Oh là là, je peux lui pourrir sa nuit, là. Mais c'est possible de pas avoir de répondeur. Bah oui, bah oui. Bah, la preuve. C'est ouf. Tu veux bien que ça sonne dans le vide? Allez, vas-y, réponds là. Ah, il est en train de démonter une meuf sur une banquette arrière avant de la dépanner. Ça se trouve, il répare la voiture de Sandro là. Ah, il bosse, hein, ça se trouve. Hein. Bah, peut-être. Ah, il frotte son sexe sur toutes tes. Sur toute la voiture. Il piffle le volant. Tiens, cochon, tiens, regarde, je vais te faire ça. Oh là là, si ouais, c'est des petites traces blanches, tu sauras ce que c'est dans la voiture. Bon, bah laisse tomber, c'est pas grave, on le rappellera. Il doit se dire, c'est une meuf classe, ce qui m'a pris Avenue Montaigne. Ah oui, grave. Ah oui, si enfin, je vous entendais. Ouais, il a vu ta voiture en même temps. Ouais, c'est ça. Oui, c'est vrai. Il a dû dire, non, en fait, elle doit pas être de là. Oui. Il faut quand même expliquer que sur la voiture de Sandro, il y a des endroits où la peinture s'enlève. Ah, mais laissez ma petite voiture. Ouais, ta petite voiture, ouais. Bon, bah c'est pas grave, on va récupérer, on va essayer de rappeler peut-être un petit peu plus tard, hein, c'est pas très grave. On va également se faire encore un petit coup la colle de Selena, une dernière fois avant de donner la réponse dans quelques minutes. Selena, toujours là? Ouais, toujours là. Allez, vas-y, fais péter la colle une dernière fois pour gagner l'iPad Air et après on donne la réponse. Ok, j'ai 4 dents, dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? Voilà, j'ai 4 dents, dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? C'est bien ça? Oui. Bon, si vous avez la bonne réponse, vous envoyez simplement M-I-K-L espace la réponse au 64-900 ou au 63-22 pour la Belgique. Et vous pouvez jouer aussi sur le Facebook de l'émission, facebook.com/MIKL officiel. Venez nous rejoindre sur la page, on est plus de 289 000 maintenant. Eh ben, vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas, continuez, fêtez, prévenez vos potes. On est là tous ensemble, tous les soirs, sur Fun Radio et sur le Facebook. Et on donne la réponse dans, 5 bonnes minutes. Selena, tu tiens là? Tu restes là? Ouais, y a pas de soucis. Bon, allez, bouge, parce que c'est très con de raccrocher maintenant, si près du but, hein. Ouais. Donc si quelqu'un a la bonne réponse et qui passe à l'antenne, il gagne, et c'est Léna Père. Si la personne qu'on appelle n'a pas la bonne réponse ou ne décroche pas, c'est possible à cette heure-ci, eh ben c'est Léna qui gagnera, tout simplement. Léna, donc reste avec nous, ne bouge pas de là. On va récupérer Samy également là maintenant, là. Toujours là, Samy? Ouais, toujours là, toujours là. Très bien, Samy qui a 17 ans de Lyon également, qui sortait avec sa prof, depuis qu'il sort plus avec elle, bah, lui colle des mauvaises notes. Et nous avions également Alexis, 28 ans de Rueil, dans les Hauts-de-Seine. Salut, salut Alexis. Bonsoir les amis. Comment ça va? Salut. Ouais, très bien, même si je me mets à la place du pauvre Samy. Hein. Ah oui, bah qu'est-ce que tu veux. C'est gentil. Mais oui, mais ça arrive, c'est pas grave, c'est pas grave. Bon Alexis, est-ce que t'es déjà sorti avec une prof toi, ou avec une supérieure, ta patronne, je sais pas? Ma prof de physique en terminale, pour mon pire malheur. Pourquoi? Vas-y, explique, qu'est-ce qui s'est passé? Bah en gros, c'était un peu comme Samy, sauf qu'elle a commencé ça quand on était encore ensemble. Quoi, t'as des notes pourries? Bah il est con quoi, pourquoi elle a fait ça? Elle a fait que ça. Elle est conne. Bah oui, il est conne, oui, pour le coup. Bah ouais. Je la torche, en même temps, elle te met des mauvaises notes. Elle m'a fait ça, elle m'a humilié en cours, elle m'a humilié dans les couloirs devant mes meilleurs potes. Mais t'avais fait quoi? Bah rien, mais je crois en fait que Samy il est piégé par un sale truc quoi, et j'ai l'impression de reconnaître mon histoire et celle de quelques-uns à qui j'en ai parlé quoi, les rares à qui c'est arrivé quoi. Et c'est quoi l'histoire? C'est quoi le piège? Moi je crois que le piège c'est un petit peu la possessivité quoi. Je veux dire, une fois que c'est Samy, ça a l'air d'être plus le joujou de la nana, donc qu'est-ce qu'elle peut faire de lui à part... Ouais, en fait, moi je suis un sextoy en fait pour elle. Ah, on peut lui en envoyer sinon, offert par. Et bah maintenant qu'il est plus avec, il est inutile quoi, tu vois, donc. Bah oui, non, mais c'est clair. Mais je crois bien, je vais la prendre en vidéo et je vais le faire du chantage. Mais non. Bah mais non. Non, faut... Ah bah si, elle me fait du chantage. Ouais, c'est pas faux, ouais, dans un sens. Mais en même temps, ça va peut-être pas aider. Je la prends en vidéo. En même temps, elle a plus à perdre que toi, elle est con, hein. Ouais bah ouais, c'est ça le pire. Parce que toi au pire tu rates l'année ou tu te fais virer du bahut, tu vas en trouver un autre. Elle, ouais, si voilà, elle se fait virer du taf pour ça, elle trouvera que dalle après hein. Donc ouais, c'est elle qui est con. C'est elle qui pour le coup est complètement con. Et toi tu t'es sorti de là comment Alexis? Bah moi en gros j'ai dû faire le sage. En gros j'ai dû lui expliquer que fallait pas faire n'importe quoi. Moi j'ai fait un petit... Je conseille pas ça à Samy, mais j'ai fait un petit peu du chantage aussi. Mais pas pour lui rentrer dedans, juste pour lui dire voilà, ce serait mieux qu'on reprenne une situation totalement normale et juste pour revenir au stade d'avant quoi. Non, c'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Même le faire l'amour, c'est pas possible. Franchement, c'est dégueulasse quoi. Même embrasser ou rester avec elle, je peux pas. En même temps, t'as fait la merde, il fallait réfléchir avant. Voilà, hein. C'est bien fait pour toi. Ah bah, non, ouais. Ça va, au début c'était bien, je me suis dit frais, c'est ma prof. Ouais, tu te la racontais, voilà. Non, pourtant au lycée personne ne savait quoi. C'était simplement un petit fantasme, normal. Tu voyais ma prof, allez, vas-y, viens, on part dans les WC, viens, on part dans ton bureau. N'importe où on le faisait dans le lycée, mais tout dans discrétion. Mais à un moment donné, c'est bon, quand elle me voyait avec une autre femme, elle me tapait des crises. La femme, elle a 34 piges, hein. Elle est mariée. Elle a 34 ans quand même. Bah ouais, elle a 34 ans. Elle est 34 ans mariée et elle te prend la tête. Tu lui dis que tu vas... Tu lui dis simplement que tu vas aller le dire à son mari. Attends, bâtard, elle a fait quoi là? Bah oui, exactement. Ouais, enculé, gros bâtard. C'est vrai quand même. Non mais sérieux. C'est clair. Mais le pire, c'est que je vais la voir demain parce que je suis animateur aussi. Ouais. Animateur chez les enfants et il y a son enfant dans le centre social. Oh là là. Ah oh, oui, donc toi tu fumes. Mais l'autre, elle est complètement barrée là, la meuf. Hein. Complètement, elle est à l'ouest. Hein. Oh là là. Voilà, c'est ça le problème, c'est que... Bon, je sais pas quoi faire. Bah, tu comme m'étonnes. Tu m'avais dit tout à l'heure, ouais, d'essayer de revenir avec elle jusqu'à la fin de l'année. C'est peut-être une bonne solution. Mais bon. C'est peut-être la meilleure, hein. C'est-à-dire tu restes avec elle jusqu'à la fin de l'année, une fois que tu te casses, salut quoi. Ouais, il faut essayer, ouais, t'as rien à perdre. Hein. Ouais, c'est clair. Essaye de faire ça, bah tiens-le au jus, Samy, d'accord? Ouais, d'accord, y a pas de problème. Elle ne lui en donne pas trop. Ouais, aussi, ouais. Bon, bah merci Alexis, merci Samy d'être passé tous les deux là, bientôt. Hein. Merci beaucoup, je peux faire une petite dédicace avec Allez, vas-y, Samy. À Soum de Montpellier. Ouais. Et puis voilà. Très bien. Un gros bisou. Eh ben, message passé, il n'y a pas de problème. Salut merci Samy, beaucoup. Merci Alexis. Au revoir, à bientôt à vous deux. Salut à vous, bye bye. Bon, on va parler, on va faire la colle également, on va donner la réponse. Et puis on va surtout parler des chansons qui vous rendent heureux. Ah. Et ouais. N'oubliez pas, hein, donnez-nous vos chansons qui vous rendent heureux avec le hashtag Mickaël sur le Twitter ou sur Facebook. Et puis avec également les SMS si vous voulez nous joindre, n'hésitez pas. Mickaël, vous envoyez Mickaël espace votre message au 64 900 ou au 3044 depuis la Belgique. Et donc en numéro 10, des chansons qui vous rendent heureux, il y a Curtis Mayfield avec Move On Up, c'est ça. Just move on up. Ah oui, ouais, c'est vrai que ça donne la pêche. Ah, j'aime bien, ouais. J'aime bien, ouais. Move on up. Voilà, pas mal. Alors sinon, il y a aussi Duck Sauce par Barbara Streisand. Barbara Streisand. Alors sinon, il y a aussi Cyndi Lauper. Alors ça, c'est en numéro 8. Ah, j'adore. Donc là on est à fond dans les 80s, hein. Années 80. Apollo il est au taquet là. Ah ouais, ouais, ouais. J'adore ça. Il danse sur sa chaise, il se dandine. Bah ouais. Bon, dites-nous hein, si quelle est la chanson pour vous qui vous fait kiffer, qui vous met de bonne humeur. Vous êtes de mauvaise humeur, vous mettez ça, ça vous met de bonne humeur. Ah, j'adore. Voilà, sinon il y a aussi alors en numéro en numéro 7, il y a les Daft Punk avec Lose Yourself to Dance. Ouais, c'est le nouveau single, il est bien hein, Daft Punk. Ouais. Non non, il met de bonne humeur, il met de bonne humeur. Grave. Voilà, sinon alors en numéro 5, il y a également en numéro 6 pardon. Il en faut peu pour être heureux. Ah ouais, c'est le héros de la jungle. C'est Disney. Satisfaire du nécessaire. Tu regardais pas Disney pour le non, il n'y a pas la chaîne. Voilà. Donc alors il y a ça qui vous rend heureux hein. C'est quoi la chanson qui te rend heureuse toi, Selena? Moi j'aime bien Like It Is, I Follow You. Ah oui, elle est pas mal aussi. C'est vrai qu'il était pas mal et je vais essayer de le retrouver là. Sinon au numéro 5 il y a ça. Jackson 5. Bah c'est pas mal ça. Alors évidemment, alors il y avait aussi en numéro 4 Pharrell Williams et Happy. Ah oui, c'est vrai. Non, il est bien en plus hein. Le clip il déchire. Voilà, et Sandro, la chanson qui te fait kiffer toi, c'était quoi? C'était Je vous donnerai les trois premiers après hein. Ah ouais, en tube. Yes. Bon, Toff, ah, on avait posé la question déjà au début d'émission. Lui, c'était évidemment une chanson de merde. Hein. C'est moi, je t'emmerde. Voilà, c'est le générique de je t'emmerde. Je t'emmerde. Que Jean Gabin nous a pompé. Je reste concret, direct, c'est la guerre. Pour les braves, joue celui qui sait. Hein. Voilà. Ouais, elle était sur toi. Moi, je la connais. Je joue les cakes, je joue les wallets. Ah, il a bien dansé là. Ouais, j'ai grave. Mais non, en fait, il est resté bloqué. On est démarré. En fait, c'est quand j'ai pas mes amis qui sont là et tout, je la mets et ça me remonte le moral. Ah, d'accord, ok, très bien, parfait. Voilà, donc ça c'était les chansons préférées de Toff et de Sandro. On va vous passer celle de Polo, la mienne également. Et puis on mettra les trois premières dans quelques minutes. Donc dites-nous, quelle est donc pour vous la chanson qui vous fait qui vous met de bonne humeur en fait. Ouais. En plus toute simplicité. Donc hashtag Mickaël, n'hésitez pas. Vous envoyez, vous appelez également Sandro au 01 42 48 5000 ou pour la Belgique le 02 851 4x0. Il y a un message d'Ariel qui dit: moi c'est Bon Jovi avec You Give Love a Bad Name. Ah oui, elle était pas mal celle-là. Je vais essayer de la retrouver. Tiens, Elliot qui dit les Jackson 5, c'est trop bon. Y a quoi aussi? Sandro me fait fantasmer et Toff me fait vomir. Quelque je te kiffe. Bah, merci beaucoup. Tiens, tout ça est très mignon. Mathias qui dit je t'aime à ma chérie Marine. Il y a Letizia aussi qui dit Toff, si tu veux, je pars avec toi dans un pays chaud. Ah, mais oui, quand tu veux. Apparemment, il a déjà trouvé hein, et donc il irait en Égypte d'après un ami. Oui. Voilà. Ah, ça y est, c'est confirmé. Oui, c'est confirmé, c'est payé. Oh là là, c'est payé. Ah bah, bravo, oh là c'est payé. Là. Ouais, bah voilà. Chien. Et attends, alors, et donc. Est-ce qu'on peut rappeler? Oui, donc Toff qui nous avait dit non, je pars nulle part, je reste à je reste à Bruxelles, je ne pars nulle part. Et puis Polo l'avait invité, non, je n'ai pas d'argent. Et puis après, la voyante a dit qu'il allait dans un pays chaud avec une meuf. Oui, mais toutes les autres, vous êtes des merdes. Hein. Voilà. Et donc il va dans un pays chaud avec une meuf pour passer les fêtes. Ce qui veut dire que toutes les autres qui est en train de draguer, s'il ne vous a pas proposé, c'est que ce n'est pas vous. Non. Par conséquent, il en aurait une autre. Enfin, et le reste. Et le reste. Voilà, c'est une autre plus TVA. Voilà, et comme le 1er janvier, la TVA augmente, il va s'en priver, il va pas s'en priver. Ah bah attends, moi, il faut que je profite de la TVA. Ah bah c'est ça. Augmentation de TVA, je profite. T'as raison. Bon, voilà. Et donc il y a Copsy aussi qui dit le meilleur, c'est In the Wonderland de Jean-Pierre Sauzère. Jonathan qui dit Grégory Klossmann avec Funky. Il y a Stéphanini qui dit Hakuna Matata, ça donne la pêche. Oh, quelle angoisse. Ah non, moi je pourrais pas. Hakuna Matata. Oh, moi j'aime pas. Charlotte qui dit vous déchirez, merci à vous. Et il y a le dépanneur. Ben oui, mais on l'a fait, mais ça répond pas là, dépanneur. Je suis très déçu. Il est couché. Putain de dépanneur. Bon, on va donner la réponse maintenant à la colle. Selena, t'es là, t'es prête? Ça marche, ouais, prête. Allez, on y va, c'est parti. On appelle maintenant le gagnant, la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et répond à la colle que tu vas lui poser, il gagne ou elle gagne. Et si ça ne décroche pas ou que la réponse est mauvaise, tu gagnes, Selena. Ok, allô. Allô, bonjour, comment tu t'appelles? Amandine. Amandine, très bien. Tu es dans quelle ville, dis-moi, Amandine? Poitiers. De où ça? Poitiers. Poitiers, très bien. Oui, Poitiers. Bon, Amandine, il y a Selena qui a une colle à te poser. Si tu as la bonne réponse, tu gagnes un iPad Air. D'accord. Vas-y, Selena. Alors, j'ai quatre dents. Dès que j'attrape une proie, on me la prend. Qui suis-je? Une fourchette? Ouais, c'est ça. Merci. C'est trop fort, merci. Eh ben voilà, bravo Amandine. Oh, merci beaucoup. Avec plaisir. L'iPad Air qui part direction Poitiers. Bah oui, mais c'est pour ça que tu jouais, hein, Amandine. À l'iPad Air en plus. J'ai le même. Oh, c'est la folie. Plus petit que l'ancien. Il est plus léger. Il est plus fin. Il tient plus longtemps. Ah, bref. Mais c'est trop fort, merci. Folie monumentale. Et on t'enverra l'iPad Air avec une photo du sexe de Toff en fond d'écran. Oh, grave. Oui. Tu seras très heureuse avec ça. Oh, tu parles. Quelle angoisse. T'inquiète pas, c'est tellement rikiki que ça prend juste un pixel. Ouais, t'inquiète pas pour ça. C'est ça. Bon, ben, je te fais des gros bisous, Amandine, et bravo à toi. Merci, et puis, bisous aussi. Amandine, tu peux remercier Selena également qui te laisse son iPad Air. Merci beaucoup et désolée pour elle. Oh bah écoute, ça arrive, hein, c'est le jeu, hein. C'est comme ça, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'est le jeu, c'est pas grave. Oui. Bon bah gros bisous en tout cas les filles. Salut, merci. Je peux faire une dédicace? Allez, vas-y Selena, t'auras gagné ça au moins là. Ouais, je vous fais une dédicace à tous ceux que j'ai demandé d'écouter ce soir, voilà. Bon, on les embrasse, tous ceux qui t'ont demandé de venir ce soir. Quel bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Et voilà. Et maintenant ils peuvent tous t'appeler pour te réconforter. Attends, j'ai rien entendu, disais Toff? Non, je disais, maintenant ils peuvent tous l'appeler pour la réconforter. Ah oui, bah bien sûr, évidemment. Et oui, pas de problème pour le pack fun, Selena, on va t'offrir ça sans problème. Gros bisous, à bientôt. Bisous. Salut Amandine, à bientôt aussi. Salut. Allez, ciao. Salut, merci beaucoup. Bye bye. Ouais, ciao. Tu veux quoi faire quoi, Valentine? Ah bah c'est très bien, parfait, pas de problème. Bon, on va récupérer Johan et Amélia qui étaient intéressés par Johan là dans quelques minutes. Dites-nous aussi les chansons que vous kiffez tout simplement. Et puis je sais pas si vous avez entendu parler de cette mère américaine qui a donné deux conseils à son fils. C'est-à-dire? Avant d'avoir un rapport sexuel. Alors, laisse-moi deviner. Ne couche pas avec elle. Non, attends. Le premier, c'est de mettre des capotes pour ne pas choper de maladie. Ah ouais, ça c'est pas mal. Ça c'est bien. Mais les Américains sont très prudes. Normalement, elle aurait dit attends jusqu'au mariage. C'est vrai. Et oui, et la première sera la bonne. Mais non, elle a pas dit ça. Donc elle a dit de mettre des capotes. Ça, c'est tout à son honneur. C'est très bien. Mais le plus drôle, c'est le deuxième où il doit demander à la fille d'envoyer un SMS pour dire qu'elle est d'accord de coucher avec lui. Ah c'est bon ça. Voilà. Je trouvais ça drôle. Hein, et je me... ouais. Bon, en même temps, c'est aux États-Unis, tu vois, où t'as les meufs qui parfois couchent et puis ouais. Il m'a violé, il m'a pris de force. Voilà, donc je demande ce que c'est un truc de fou. Donc je me demandais justement ce que vous en donnez vos parents comme conseils avant votre première fois. Si toutefois ils vous ont donné des conseils, appelez-nous, ça peut être drôle d'en parler. Tiens, 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Vous nous appelez, on en parle dans quelques minutes, bien entendu. Et puis venez nous rejoindre également sur le Twitter notamment. Hein, si vous voulez, n'hésitez pas, vous êtes de plus en plus nombreux aussi. On a passé les 20 000 là, alors qu'on est là depuis 4 mois bientôt. Ah oui, le 20, ça fera 5 le 22, 4 mois et demi on est là, hein. Oh là, quand ça même, passe hein. Vite hein. Oh là là. 4 mois et demi, plus de 20 000 sur le Twitter, vous m'ajoutez MIKL underscore, c'est le petit tiret en bas, MIKL underscore officiel sur Twitter, et si vous me suivez, je vous suivrai évidemment avec grand plaisir. Je vous l'avais promis, le son de Kesha et Pitbull qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Timber. Bienvenue tout le monde, on aura le chéri, je peux te faire cocu aussi tout à l'heure avant 2h du mat, et puis on va continuer à parler avec vous, avec Johan, avec Amélia aussi. Ça va aller. Et Kesha à l'instant sur Fun. 23h, 2h. Mika L. Mickaël. Ferme ta gueule, gros bâtard. No Limit sur Fun Radio. On est en direct, il est minuit 47. Soyez les bienvenus si vous venez de débarquer. Mickaël No Limit, on est là tous les soirs sur Fun. Hein. De 23h à 2h du mat la semaine, de 20h à minuit tous les dimanches soirs. Et on sera également avec vous le 24 décembre pour passer le réveillon de Noël. Eh oui, on va pas vous lâcher, nous on n'est pas des enculés. Mais oui, en plus, c'est une fête familiale, donc on va passer avec vous. On sera tous ensemble. Eh oui, ça va être la famille. Donc 24 décembre, dès 20h, on sera là pour passer le réveillon de Noël avec, de Noël avec vous. Et puis bah si jamais vous recevez des cadeaux, bah faudra venir nous dire ce que vous avez reçu. Et si jamais ça vous plaît pas, bah vous nous dites et puis on vous les échange. Alors attention, on va falloir vraiment nous envoyer le cadeau hein, si vous voulez qu'on vous envoie le vôtre. Non, parce que sinon on va se faire enfumer, je vous connais hein. Donc échange de cadeaux pour Noël. Il y a Sébastien qui dit: moi ce que j'adore c'est Jay-Z, Kanye West avec Niggas in Paris. Ah oui, il est pas mal celui-là. Barry White aussi j'adore, c'est Annie. Je vous avais demandé des chansons qui vous mettent de bonne humeur en fait. Ça peut être du ringard aussi hein, ça peut arriver évidemment. Moi j'aime bien aussi Frank Sinatra avec New York. Ah oui, c'est Frank. Ah, elle est pas mal. Mais je sais pas si je l'ai là. Attends, je vais vérifier si je l'ai ici là pour ceux qui connaissent pas. J'aime bien. Là on est bon là. En plus pour Noël. Et pour le coup, on l'a fait un jour avec Polo et avec Toff aussi. Si vous avez la chance de pouvoir le faire, c'est juste énorme. C'est Nouvel An à New York sur Times Square avec ça à fond de balle à minuit pile. Là on est au top. Eh ouais. Right there in old New York. Ah oui, mais qu'est-ce que vous voulez, ça c'est la classe. And you bet your pippy, baby. Ça, ça met de bonne humeur ça. Bon, c'est pas très dance floor, je dois bien l'admettre. Toutes ces filles que j'ai draguées. Pécho là-dessus. Ah. Ah non, draguer, pas pécho, draguer. Ah non, j'ai du mal moi là. Et surtout qu'on avait. Et hop là. Welcome on Fun Radio. New York. WFUN. Donc ça, ça met de bonne humeur. Ça, c'est vrai que ça c'est de bonne humeur. Il y a Denis qui dit les musiques que je kiffe, c'est quand je suis pas bien, c'est Linkin Park avec A Light That Never Comes. Ah oui. Ah oui, effectivement. Et Jérémy aussi qui dit Jérémy Love. La chanson qui me rend heureuse, c'est La Voix de la Femme de ma vie. C'est Séverine. Oh, qui je t'aime, oh, c'est mignon. Pas Charlie qui dit Move Your Feet, ça fout la pêche. Il y a Kassem qui dit moi c'est chez mamie Khaled. Il y a Ced également qui dit Ced 5895. Trop cool. Vous êtes là le soir de Noël. Je vous kiffe. Ah bah oui, on sera là. Hein, on vous abandonne pas. Nous, on est pas des enculés. Elisabeth qui dit vous écoutez ou comment passer une agréable soirée. Bah on fait ce qu'on peut en tout cas hein. C'est exactement ça, on fait vraiment ce qu'on peut. Qu'est-ce que j'allais dire, il y a Jonathan qui est là également là. Salut Jonathan. Salut. Comment ça va? Bah ça va nickel. Bon, t'appelles pour la chanson qui te rend heureux toi? Ah ouais. C'est quoi la chanson qui te rend heureux? Ah, la chanson du moment là qui me booste à mort, c'est Grégory Klossmann, Funk It. Funk It. Attends, on va la mettre, ouais. Mettre un extrait là. Ah ouais, c'est trop bon. Alors ça, t'entends ça le matin, c'était de mauvais poil, ça te met heureux. Ouais. Ah putain. Mais c'est toujours comme ça? Oui. Ah ouais, moi c'est électro à fond. Hein. D'accord, ok, bah très bien. Donc toi la chanson de Frank Sinatra, moyen quoi. Ouais, si, franchement j'aime bien un peu les vieux morceaux et tout. Non mais tu sais, après tu l'écoutes pas non-stop, mais tu sais, ça met la patate quand tu l'entends ça te met de bonne humeur quoi. Ah, voilà. Ouais. Bon bah très bien. Bon alors il y a ça. Sinon en numéro 3 aussi, parce qu'on a vu le top hein, chez Deezer. En numéro 3 il y avait ça. Il y avait The Blues Brothers avec Everybody Needs Somebody. Merde, on l'a pas, ça marche pas. Hop là. Bon, ça te met une bonne humeur ça ou pas Jonathan? Ouais, ça aussi. Très bien. Chanson festive. Bah chanson festive évidemment. Et attends, il y a Laura également qui est avec nous là. Salut Laura, c'est Laure pardon. Salut Laure. Oui, salut. Comment ça va? Ça va. Bon, qu'est-ce qu'il y a comme chanson qui te met de bonne humeur toi quand t'as pas la patate le matin? C'est du Edith Piaf. Ah ouais putain, mais toi tu te mets une balle alors Edith Piaf. Parce que le but c'est quand t'as pas la bonne humeur, c'est quand t'es pas de bonne humeur, tu vois, ça te met de bonne humeur. Non mais j'aime bien. D'accord, ok, bon bah pourquoi pas. Il y a un titre en particulier ou pas? La vie en rose. Ah bah oui. Attends, la vie en rose, on va mettre un petit bout parce que là qui connaît peut-être pas Edith Piaf. Hein. Alors attends, on va te la mettre là. Merde, ça y est ou pas? Même, c'est un pilier de la chanson française. Oui, enfin, il y en a qui connaissent pas. Hein. Rassurez-vous, vous êtes toujours sur Fun Radio. Hein. On a posé le 33 tours sur exactement. Le vieux lecteur. Sur les phonographes. Ah ouais, putain. La France. Des yeux qui font baisser les yeux. Oh, 1940. Non mais respect, respect. Appel du général de Gaulle. Ah oui, ça c'est sûr. Sur la radio, le son vieux Flore. Old Flore. Mais t'aimes bien ça, toi ça te met, oh, ça te met la patate alors. Eh, y'a que nous pour faire ça. C'est marrant. Y'a que nous. Ah oui, oui. La vie en rose, pourquoi pas. Hein. Alors en deux, en numéro 2, dans le classement Deezer, il y a ça. Bobby McFerrin avec Don't Worry Be Happy. Don't Worry. Ça tu connais ou pas alors? Ouais. Be happy. Et alors en number 1, il y a James Brown. I feel good. Ouais, ça c'est sûr. Ah oui. Et ça tu connais Laure, Jonathan, vous connaissez? Ah bah bien sûr. Ça vous met la patate ou pas? Ah ben ouais, quand tu regardes assez Mission Cléopâtre, c'est bon. Ouais, effectivement, et pourquoi pas, ouais. Très bien. I feel right. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. En numéro 1, donc c'est ça. Alors, il y avait la chanson de Polo aussi, et puis la mienne, je vous la mettrai dans quelques minutes. Bon, évidemment, si vous connaissez un tour soit peu Polo et moi, vous savez que ce sera plutôt rock and roll. Rock. Mais ça met la patate, effectivement, quand on a un petit coup de mou, on se le met, et hop là. Et hop là, on se met bien. Bon, ben merci, Jonathan, en tout cas, d'avoir partagé ça. Hein. Tu reviens quand tu veux sur Fun. Hein. Ouais, bah, de soucis. Bon, salut Jonathan. C'est possible d'avoir un petit backstand? Oui, bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro là dans quelques minutes. Super, au standard. Merci. Sans problème. Salut Jonathan, à bientôt. Salut, ciao. Allez, ciao à toi. Laure, tu nous appelles pourquoi toi? Et conseil de mes parents pour ma première fois. Parfait. Ah. Eh bien, ne bouge pas, il y a Kassem aussi qui voulait en parler. Puisque, j'avais dit, il y a l'américaine qui a dit à son fils ou à sa fille. Non, à son fils. Premier conseil avant de faire l'amour pour la première fois, mets des capotes. Très bien. Et la deuxième, c'est demande à la meuf avec qui tu vas coucher qu'elle t'envoie un SMS en disant je suis d'accord qu'on couche ensemble pour éviter, vous savez, commencer aux États-Unis, pour éviter les procès, etc. etc. Donc, je voulais savoir justement ce que vos parents vous avaient donné comme conseil, ou alors peut-être frère ou quoi, donner frère ou sœur, et donner comme conseil avant de faire l'amour la première fois. Mais j'imagine le mec qui va voir la meuf, tu sais, ils sont là, ils vont faire l'amour, il fait attends. Est-ce que tu peux m'envoyer un SMS pour me dire quand tu es d'accord? Ou un mail, hein. Est-ce que tu peux me confirmer s'il te plaît? Ce serait cool. Ou un fax, bien sûr. Et après, il renvoie cocher cette case si vous êtes bien d'accord de coucher avec moi. C'est ça. Bon, et puis on avait aussi les appels avec Toff là. Hein. On l'a pas oublié. Oh là là. Je rappelle qu'il y a un nouveau truc, c'est la Femilift. Et donc le principe, c'est simplement se mettre un laser dans le vagin, les filles, pour rétrécir votre vagin de manière à avoir plus de plaisir sexuellement. Alors pour vous, je ne sais pas, mais en tout cas pour les mecs. Mais comment ça fonctionne? Quelqu'un s'est rendu compte? Aucune idée. Ouais, en fait, c'est c'est un laser qui va dans le vagin. En fait, ça resserre la muqueuse. Ah d'accord. Ah bon. Et donc après, quand le mec il rentre, il a l'impression qu'il est tout serré. Il faut 3 à 4 séances pour sentir la différence. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. On va donc appeler pour prévenir les gens, comme d'habitude. Hein, vous avez été nombreux, comme d'habitude, à envoyer les numéros de téléphone de gens encore debout avant, en tout cas, cette heure-ci. Donc sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. On appelle? Allons-y. Allez, c'est parti. On en appelle encore là, un petit coup là. Espérons que ça décroche encore. Quoi, on nous a assuré que ça décroche encore. Parfait. Allô? Oui, bonsoir monsieur. Ouais. Oui, voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme serait prête à se faire rétrécir le vagin pour vous donner plus de plaisir. Pardon? Non, je voulais savoir si votre femme serait prête à se faire rétrécir le vagin pour vous donner plus de plaisir. Et ta mère, grosse pute, non? Je vois pas le rapport, monsieur. Mais tu qui m'appelle comme ça, toi? Moi, je m'appelle Toff. Et alors? On se connaît? Non, on se connaît pas, je veux juste savoir si votre femme, elle serait prête à se faire rétrécir le vagin pour que vous ayez plus de plaisir, c'est tout. Bah va demander à ta mère, c'est le faire, gros PD. Et ça a aucun rapport. Ah, il est pas mal, lui. On va le rappeler, hein. Oui, on était pas mal. Bah oui, ce serait bien qu'on ait madame aussi, accessoirement, hein. C'est hors de lui demander, parce que bon... Allô? Oui, excusez-moi, on a été coupé, vous n'avez pas répondu à la question. Mais je vois pas le rapport, monsieur, je vous demande juste si votre femme, elle est prête à se faire rétrécir le vagin, c'est tout. Ah, mais par contre, n'appelle pas un numéro privé, comme ça je peux te rappeler après aussi. Ah oui, d'accord, mais si vous voulez, je vous donne mon numéro, vous me rappelez, hein. Allez, il n'y a pas de soucis. Alors, donc 01... 01. Attends, mais 01, c'est une parisienne de merde, ça. Ah ouais, mais t'es un petit parisien, en fait. Oui, je suis issu de Paris, oui. Tu es un parisien, ça. Ah, d'accord. Au parisien, t'as pas honte? Bah non, pourquoi? Bah, aux Gaulois de merde. Pourquoi vous me dites ça? Parce que t'es un Gaulois de merde, un seul parisien de merde. Mais pas du tout, je vois pas pourquoi vous dites ça. Ah, t'habites bien à Paris. Oui. Donc t'es un parisien de merde. Bah non. Bah si. Bah non. Ah, quand faut parler, on leur nique leur mère, c'est de pute. Tout est grand mort. Ah oui, c'est... faire bisous par livre immobile, c'est des petits déchets. C'est violent, c'est violent quand même. T'as un gros nid dans le cul, c'est ce sale bite à côté. Ah oui, mais c'est quand même violent, ah. Ça. Gratuit. Ah ouais, mais oui, c'est violent, ouais. C'est à qui tu parles, là? Non. Un Marseillais, espèce de fils de pute. D'accord, mais je parle... Ah, je te prends, je t'encule, toi, ta mère, ton père, et tout ce que tu veux. Même ta grand-mère, si tu veux, je la déterre, je la rends père. C'est quand même très très violent, tout ça, monsieur. Eh oui, mais c'est ça qui est bon. Bah, je sais pas, c'est quand même un peu crado, quand même, ma pauvre grand-mère. Écoute-moi, va te faire l'amour, espèce de petite chienne, que tiens. D'accord, c'est très gentil. Bah, écoutez... En plus, appelle mon frère pour lui dire ça. Que je te nique tes grand-mères, en fait, c'est ça? Bah, pas du tout, mais pourquoi vous dites ça? Ouais, mais là, vas-y, descends, Marseille, je te roule dessus, je t'écrase, espèce de sale chienne. Ah oui, quand même. Ouais, je te l'ai dit. Ah oui, c'est quand même pas fou, quoi. C'est pas très gentil. Tu t'as fait un arbre, je te violer, espèce de sale pute, à côté. Du trop, c'est mon père, je t'encule, moi. C'est pas très gentil, tout ça, quand même, monsieur. Personnaire, à part, c'est pas très gentil, t'as quoi? Bah, moi, j'ai rien, mais c'est vous qui êtes un petit peu violent, donc forcément... Bah, je sais pas, tu me connais pas, je te connais pas, tu m'appelles tranquille, comme ça, et ça, je crois que c'est la fête. Bah, oui. On peut c'est la fête des cons, aujourd'hui, non, peut-être? Mais pas du tout, moi, je vous demande juste, je vous pose une question, vous y répondez, puis on n'en parle plus. Ah mais ça fait 3 heures quand t'as répondu, tu continues à nous brancher comme ça, t'as pas d'amis ou quoi? Bah non. Non, t'as pas d'amis? Non, j'ai pas d'amis, c'est pour ça que j'appelle moi. Comme ça je rencontre des gens. Oh, tu dois bien te faire chier dans ta capitale de merde quand même, hein. Bah oui, c'est pour ça que je vous appelle. Il me rend fou. Oh. Il me rend fou le gars. Oh. Bon. C'est quoi, c'est pas tout, mais j'ai quand même une vie, donc je vais raccrocher. Hein. D'accord, et bah une bonne soirée alors. C'est ça, Aïe, ah, ils sont violents, là. Mais vous avez remarqué... Et c'est gratuit, hein. Oui, mais vous avez remarqué, c'est souvent les gens de Marseille qui insultent les Parisiens et pas le contraire. Ouais, ouais, c'est vrai, mais quand même, putain, quel violent. Ah, gratuite, hein. Ah ouais, oh là putain, là. C'était gratuit de chez gratuit, hein. Waouh, wow. Putain, alors là... Même moi, je suis choqué. On aurait dû parler foot. J'ai pas osé. En plus, avec la défaite de Marseille ce soir, je pense qu'ils auraient pu démarrer, hein. Mais c'est peut-être ça qui les a chauffés. Ah ouais, ouais. Il y a Sébastien qui dit la musique qui me met la pêche, c'est Metallica avec Enter Sandman. Ah bah oui, bah bien sûr, moi aussi, évidemment. Il y a Devers aussi qui dit, moi, il y a que vous qui me mettez de bonne humeur chaque jour, je vous écoute tout le temps. Quant à qui dit Sonata Arctica de Black Sheep, rien de mieux pour se donner la pêche le matin. Et Pierrot qui dit, sinon, il y a Kings and Queens, 30 Seconds to Mars. Ah oui. Ah oui, c'est vrai qu'elle est pas mal, celle-là. Elle est même plutôt bien foutue. Et Morgan qui dit, moi, c'est Best Song Ever des Wendy qui met de bonne humeur, même si je suis pas directionneurs, donc fan des One Direction, pour ceux qui ne savaient pas encore. Il y a Balapool aussi, Balapooliba qui dit, moi, c'est Still Dre de Snoop et Dr. Dre. Ouais, c'est pas mal aussi, mais pas très festif à la base, hein, quand même. Hein. Non, mais elle est pas mal. Elle est pas mal, effectivement. Bon, récupération de Johan avec Laure qui voulait parler de ses parents pour la première fois, avec Amélia, avec Kassem, avec Clem qui est avec nous également. Il y aura Elodie qui voulait réagir aussi. Et puis Laurent pour parler des chansons. Bah restez bien là, on va continuer, on va revenir dans quelques minutes, le temps d'écouter. Qu'est-ce qu'on va se mettre, Ellie Goulding? Bah ouais, pas mal ça. Ellie Goulding avec Burn. On y va, on écoute ça maintenant sur Fun Radio. Il est 1h tout pile. Bienvenue, on est en pleine nuit. C'est Mickaël No Limit tous les soirs, 23h, 2h du mat. Et on est au cœur de la nuit sans pub. We don't have to worry about nothing. Sur Fun Radio avec Burn. Il est 1h04, bienvenue, hein, si vous venez de débarquer. Mickaël No Limit, on est ensemble jusqu'à 2h du matin. Avec le chéri, je peux te faire cocu avant 2h. Donc comme je le disais. Et puis je vous rappelle qu'on fera le canular aussi jeudi, hein. Si vous voulez faire un canular avec nous jeudi pour gagner des cadeaux, là notamment le casque qu'on vous offre donc sur Fun Radio. Merde, à chaque fois j'oublie le nom là. Focal. Voilà. Le casque Focal, en plus on en a déjà offert et on en a reçu en plus, qui déchire. Tu prends un peu de Focal dessus quand même. Oui, c'est vrai. Bon, allez, donc si vous voulez le gagner, donc hein, vous appelez Sandro maintenant, 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0. Il y a DJ Roms qui dit, moi je dis qu'un bon Émile et Images, là, genre les démons de minuit, ça donne la pêche. Ouais, ah bah oui. C'est un petit peu ringard quand même. Hein. Ouais, mais c'est drôle. Let's Be Free qui dit Stealing to You de Paramore, ça pour me rendre heureuse. Pas mal Paramore, bien, très bon groupe. Et Aurore aussi qui dit, qui me rend heureuse, c'est Kinvé, la vie du bon côté. Oh, ouais, bon bah. Pourquoi pas. Bon, on va d'abord récupérer Johan avec Amélia, là. Johan qu'on a depuis le début de l'émission, qui cherchait une meuf sur Villeurbanne. T'es là, Johan? Ouais, je suis là. Bon, on a Amélia qui est avec nous, là, de Reims, là. Salut, Amélia. Salut. Comment ça va? Bah, ça va. Bon, alors, toi, t'es intéressé par Johan? Ouais. T'es sûr? J'ai trop été séduite par sa voix, ouais. Oh, minou. Choupinette. Bon, bah voilà, Johan, on a trouvé peut-être chaussures. Chaussures à chaussures. Hein? On a peut-être trouvé un couvercle pour ton pot. Ben oui. Ah, j'ai renvoyé une photo, tu peux la mettre? Donc, Amélia. Oui. Qu'est-ce que tu tapes des vents, Yvan? Mais non, mais je te tape pas des vents, mais je sais comment ils sont, ils vont te démonter. Et nous, tu vois, on veut te protéger, bah, attends, parce qu'on t'aime bien. Il y a une autre photo, attends, je vais la voir. Attendez! Tu faisais quoi? Tu dansais la soca dance ou quoi? Mais non, c'est le Gangnam Style. Ah, c'est le Gangnam Style. Ah, on est pas mal là, on est pas mal. Bon, attends, parce qu'il faut que je la récupère d'abord sur mon ordi. Bon, Amélia. Oui. Je te présente Johan, Amélia. Ouais. Bon bah Johan, mais bah, qu'est-ce que t'attends, mec? Quoi? Bah elle est là pour toi, Johan, tu parles même pas. Ça va? Johan, t'as Twitter? Hein? T'as Twitter? Ouais. Bah va sur Twitter. Okay. Oh, vous avez la patate tous les deux là. Amel 51100. Ah, attends, répète. Amel 51100. C'est Amélia qui prend les choses en main, je remarque. Ouais, ouais, je vois ça, ouais. Bon, Johan, écoute, regarde ça hors antenne. Amélie aussi, on va vous mettre hors antenne, Amélia, comme ça vous discutez ensemble. Et puis pendant ce temps-là, on va récupérer Laure, là. Laure qui est avec nous de Corbeil. T'es là, Laure? Oui. Parfait. Dis-moi, est-ce que tu ferais le truc, là, tu sais, on appelle les gens depuis tout à l'heure, là, parce qu'il y a un nouveau truc, là, c'est le... Féministe? Ouais, exactement, ouais. Non, du tout. Donc le principe est simple, c'est un laser dans le vagin pour le faire rétrécir, pour qu'il soit plus serré, pour avoir plus de plaisir. Alors ce qu'on ne sait pas, c'est, bon, le mec prend plus de plaisir puisque c'est plus serré, mais est-ce que la fille aussi? Alors là, je pourrais pas te dire, mais je tenterai pas. Tu tenterais pas? D'accord, ok, non. Très bien. Non mais comme ça au moins c'est parfait, comme ça au moins je le sais. Enfin, c'est pas comme j'avais un rencard avec toi, hein, c'est pas ça, mais au moins je sais que tu ne le ferais pas. Bon, et toi, Laure, c'est quoi le conseil que tes parents t'ont donné, ou je sais pas qui? Mon père m'a dit du moment que c'est pas une fille, fais ce que tu veux. Ah bon, c'est pas mal aussi ça. J'adore. Ah c'est bon ça. Donc il a pas envie que tu te tapes une meuf. Ouais. Ah c'est marrant ça. Bon, ma mère c'était tu mets des capotes et tu fais pas ça à la maison. Et ouais. Tu fermes ta et gueule. Donc, et il a mis des capotes, mais par contre le nombre de fois où il l'a fait à la maison. Ah, non ouais. jamais. Si t'as souillé le lit. Ah non à la maison non. Jamais. Pas jamais, mais j'ai. Ah. Donc il y a celle que nous connaissons en Vidjotombe qui est venue à la maison. Donc c'était la meuf qui l'a rendu connard comme il est aujourd'hui. Parce qu'avant c'était un mec bien quand j'ai connu. Hein. Voilà, donc elle est venue souvent à la maison. Ouais. Et après il y a eu deux autres meufs, mais quand ils étaient pas là et c'est tout. D'accord, ok. Ah bon? Ah ouais. D'accord. Ouais. Ah bon? Bah oui. D'accord. Non mais très bien, mais voilà. Et t'as jamais souillé le donc le si, le vous l'avez, si vous n'avez jamais été jamais, je pourrais pas, ça, je serais malade si non, je faisais c'est ça. Une horreur. Mais ah si, ouais. Si vous n'avez jamais été si vous êtes une fille, vous n'avez jamais été alors qu'il vous a promis mon émerveille, vous n'avez voilà. Jamais été chez les parents. Vous êtes une merde. C'est que effectivement, vous n'êtes pas très très haut dans le temps. Là, mais c'est voilà. Là, c'est pas c'est-à-dire pour aller pour que je présente à ma mère, il faut être au-delà de très très haut. Ah, j'ai été présenté à ta mère. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très gentille femme. C'est exactement. Adorable. Tout à fait. Bon, donc Laure, très bien. Et là, il y a aussi Kassem qui est avec nous d'Argenteuil. Salut Kassem. Salut. Comment ça va? Bien, tranquillement. Hein. Vous m'entendez bien ou pas? Hey. Bah, on t'entend bien, Kassem, ouais. Tu sais que Kassem, le vent récolte la tempête? C'est drôle, ça, dis donc. Hop, non, Mike. Qu'est-ce que tu viens de dire, Tef, là? Non, c'est Polo. C'est Polo. Polo, oh putain. Bah ouais, ah, Polo, mais t'inquiète pas, hein. Je lui ai mis un coup de pelle dans la gueule. Kassem. Il mérite même le lance-flamme, quand même, carrément. C'est vrai. Hop. Ah, ça fait du bien. Voilà. Bon, du coup, toi, Kassem, est-ce que comme l'américaine là, qui a donné des conseils à son fils en disant, bah, tu mets une capote et tu demandes à la meuf qu'elle t'envoie un SMS comme quoi elle est d'accord. Bon, comme c'est aux États-Unis, c'est vrai qu'ils ont facile de porter ces trucs devant les tribunaux là. C'est quoi le conseil qu'ils t'ont donné, tes parents ou je sais pas qui? Non, moi c'était mon père. Enfin, mon père et son ami, c'était marrant. C'était. Et son ami. C'est marrant. Quoi. Et son ami, l'ami de mon père. Ouais. Un de ses meilleurs amis. C'était marrant, c'est en Algérie, tout simplement. J'avais 14 ans. Il me voyait avec une fille. Il me fait, écoute-toi bien, mon fils. Touche pas mes capotes et va prendre une deuxième, ça peut toujours servir. Une route de secours, ça sert toujours. Oui, ça c'est sûr. Bon, ça va, s'il a conseillé capote en disant ouais, écoute, on prend toujours une deuxième, on sait jamais, c'est bien. Ouais, voilà, mais surtout après, quand il a vu que j'en ramenais pas mal, après il m'a dit écoute. Oui, il se l'a ramené. Lit, prends la boîte. Le lit, c'est la maison, tu touches pas, le lit, c'est le mien, tu prends les 7 délits tout pourris là-bas, là. Non mais c'est bien, bah, c'est bien qu'il ait dit ça. T'sais, en fait, c'est mieux que les parents, tu sais, qui disent non, il faut pas. T'sais, parce qu'au final, tu sais que tu vas le faire un moment ou un autre. Bah tu vois. Oui. Donc autant dire. Mais oui, mais voilà, mais c'est bien, tant mieux. Au final, c'est vachement mieux. Il y a Elodie aussi qui est avec nous là. Elodie. Oui, salut. Ça va? Ça va tranquille. Bon, tant mieux, Elodie. Dis donc, tu vas passer tous les soirs, Elodie. Hein, t'as pas de vie ou quoi? Ben, si, mais on va dire que j'arrive pas à dormir, donc j'écoute une radio. Bah, t'as raison, en fait. Hein. Mais si bon. Tu veux, je peux venir t'aider à dormir. Mais oui, c'est ça. Non. Voilà le conseil. Il y a ma soeur qui va pas être contente. Pourquoi? Ah, bon, si c'est ta soeur le problème. Ben, elle est en ligne avec vous aussi, hein. Ah, c'est Laure? Oui. Ouais. Ah, ok, d'accord, décidément, on fait en famille depuis hier, hein, c'est pas mal. Ouais. Hier, ah, bah non, mais là, aujourd'hui, elle voulait pas appeler tout, et puis j'ai poussé, j'ai dit, vas-y, appelle, mais, ça coûte oui, rien. Mais tu as bien fait, t'imagines, Toff, à côté de la radio, là, t'aurais Laure et Elodie. Ah, oh là là. Mais je n'aurais aucune des deux, je suis ouais. Et tu auras ta main droite et basta. Bah, c'est déjà pas mal. Bah oui, c'est sûr. Je suis dans ma semaine de main gauche, là. Ah, t'es en gauche, très bien. Bon, et Elodie, alors du coup, toi, c'est quoi les conseils des parents? C'est les mêmes que Laure ou pas? Non, moi, mon père m'avait dit que j'attache le mec au lit et je me barre. Quel connard. J'ai droit à ça et ma mère en gros m'a dit que ma première fois n'arriverait jamais. Ah, oui, mais ça tu vois, ça c'est con. Mais là elle s'est menti. Bah hein? Oui, elle s'est menti elle-même, elle savait que ça allait arriver un jour ou l'autre. Mais oui. Bah oui, c'est à quel âge ta première fois, Elodie? À 16 ans. Et toi, Laure? 16 ans aussi. 16 ans aussi. Et KCM, 14, il l'avait dit, très bien. Non, bon. 14. Bon, bah ça va. Et depuis, ta mère elle s'est rendue compte que t'avais déjà été forniquée? Ouais, elle a mal pris. Bon, mais sérieuse, elle a mal pris? Oui. N'importe ma soeur, quoi. Ma soeur elle sait pourquoi, mais ma mère elle l'a très très mal pris. Oh là là, et c'est pourquoi? Personnel, tu peux pas en parler. Ah oui, mais pourquoi tu nous le dis alors aussi? Bah, ma soeur c'est pourquoi? Mais on s'en fout, nous on veut savoir. Bah oui. Alors il fallait rien dire, oui. Sinon là maintenant on va rester sur notre faim là. Bah en fait on va dire qu'il y a eu un petit accident de parcours et que voilà. Ah. Je peux, voilà. Bah t'es tombée enceinte. Ouais. D'accord, bah voilà, c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, si, dans l'absolu, oui. Bah, enfin, je veux dire, quand même, hein. Non, mais dans le sens où tu peux le dire, bon, bah, c'est pas catastrophique dans l'absolu, hein. Franchement, si quand il y a un accident ou quand vous oubliez de mettre la capote parce que vous êtes idiot, certains, hein, c'est encore le meilleur truc qui puisse vous arriver parce que vous pourriez choper la syphilis, le sida et toutes ces merdes, là. Donc, au final, c'est quand même pas grave. Il n'y a pas mort d'homme, au contraire. Finalement, c'est même oui, l'inverse. Encore heureux. Exactement. Bon, bah, Elodie, Laure et Kassem, merci beaucoup d'être passés, en tout cas. Vous revenez quand vous voulez, hein. Vas-y, on va gérer la Paxfone. Quoi, tu dis KSM? On peut gérer la Paxfone ou pas? Eh ben bien sûr, tu vas gérer ça avec Sandro, je te la repasse. Ouais, bah voilà. Ça bah, marche. Moi aussi, ça serait pas mal. Eh ben d'accord, Elodie. Eh ben parfait. Moi pareil. Eh ben très bien, on fera un paquet de jeux complet alors, pas de problème. Merci beaucoup à tout le monde, à bientôt. Merci à vous. Salut, ciao à vous, bye bye. On va récupérer Clem, il y aura Laurent dans quelques minutes. Et puis, bah, vous toutes et vous tous, hein, appelez-nous si vous voulez passer à l'antenne avec nous. Vous êtes les bienvenus, on est jusqu'à 2h. Ça se passe au 01 42 48 5000. Pour la Belgique, le 02 851 4x0. Et puis, je vous avais promis également de passer bah, les morceaux qui nous mettent de bonne humeur, justement. Hein. Il y avait la chanson de Polo. Attends, merde, je l'ai perdue. Donc, où est-ce qu'elle est cette chanson-là? Hop là, hop là, hop là. Je vais finir par retrouver. Hein. Vous inquiétez pas. Ah, voilà. Alors, celle de Polo que je partage également un petit peu. Parce que c'est vrai ouais. Qu'elle met quand même de bonne humeur. Ah oui. Les Rage Against the Machine. Ah bah oui. Même si je n'aurais pas choisi celle-là. Des Rage, hein, je parle. Hein. Ouais. C'est pas celle-là qui met le plus de bonne humeur. Je vais vous la mettre dans quelques instants, celle qui met de bonne humeur des Rage. Pour ceux qui connaissent, un groupe de rock évidemment dans les années 90. Bam, bam. Voilà, moi celle qui met de bonne humeur, c'est celle-là. Qui fut un temps l'hymne de fin de radio, mais alors il y a longtemps. Ouais. C'était celle-là. Voilà, Nada Surf. Ah oui, oui, c'est avec, vrai. Avec Popular. Ouais. Voilà. Bon, celle-là, elle me met de bonne humeur. Hein. C'est vrai, quand le matin, je suis pas au taquet. Enfin, le matin, le midi, quoi. Hop, tu la mets un petit coup et c'est bon. Hein, un groupe français, d'ailleurs, aussi, hein, pour ceux qui s'en rendent pas bien compte, là. C'est vrai qu'on se... on peut ne pas s'en rendre compte, effectivement. Y'a Moms qui dit, moi, si un jour mon père ou ma mère me grille avec mon mec, il me pend direct, même à 26 ans, tu m'étonnes. Et 75895 qui dit, moi, mon père dit comme ça, moi, tu fais ça où tu veux, mais pas sous mon toit. Oh, je peux, ce que je peux concevoir. Et Elliot qui dit, oh non, le jeu des mots de polo, le jeu de mots de polo, la mort de rire. Ah bah oui, tu m'étonnes. Voilà pour les sons, dites-nous aussi s'il y en a qui vous font délirer, s'il y en a qui vous... enfin, même pas délirer, mais qui vous mettent de bonne humeur, en fait, tout simplement. Et Julien qui dit aussi, alias Kinkin, polo, il nous a sorti du bon son là. Bah oui, Rage Against the Machine, ça fait toujours plaisir. Et Let's Be Freaks qui dit Caserne. Ah oui, KCM le vent récolte la tempête. Merci Polo, tu parles. Et alors Jérémy qui dit, moi c'est Metallica avec Master of Puppets. Il est pas mal aussi, un peu violent hein, pour le coup. Ouais. Mais très bien. Bon, on va se faire encore un petit appel avec Toff. Oui, allons-y. Allez, soyons c'est fous. Parti, on y va, on appelle. Eh ben c'est parti. Hop là, plusieurs numéros qui sont en stock. Toujours pour savoir si les filles seraient capables de se mettre un petit laser dans le vagin afin de le rendre plus serré pour faire plaisir à leur mec. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui ? Oui, je vous appelle parce que je voulais savoir si votre femme serait prête à se faire réduire le vagin pour vous donner plus de plaisir. Pas te faire enculer. Non, c'est pas la réponse que j'attendais monsieur. Il est con lui ou quoi ? C'est qui ? Non, c'est vous monsieur, je vous pose une question, vous répondez à côté, j'y peux rien moi. C'est moi. Il est malade celui-là. Mais non monsieur, pourquoi vous dites ça ? Mais qui c'est à l'appareil ? Moi c'est Toff. Toff qui ? Bah Toff Toff. Toff Toff ? Oui. Fun Radio. C'est Fun Radio ? Non pas du tout, je comprends pas pourquoi vous dites ça. Qu'est-ce que vous voulez comme réponse ? Dites-moi. Bah en fait je voulais savoir si votre femme serait prête à se faire réduire le vagin pour vous donner plus de plaisir. Pour me donner du plaisir à moi ? Bah oui parce que ce sera plus serré. Mais elle aussi remarque m'aura un peu plus hein. Bah oui c'est pour ça mais c'est plus parce, pour vous parce que moi j'ai 11,5 en pleine forme. Ouais donc comme ça tout le monde la sentirait plus quoi. Bah je sais pas, je lui ai demandé, tu serais prête à te faire réduire le vagin. Non elle veut pas, elle m'a dit. Elle veut pas, bon bah tant pis, bon bah merci monsieur. Allez merci, au revoir. Ah bah voilà, bon bah du coup il s'est fait, on t'est fait griller hein. Ouais encore. Ah bah bravo, une fois de plus j'ai envie de dire. C'est de plus en plus fois. Souvent hein. Mais oui, victime du succès, que voulez-vous que je vous dise. On aura le chéri, je peux te faire cocu dans quelques minutes. On va faire d'autres appels encore hein. Oui. Évidemment, et on va s'écouter le son de Sonnentanz Clan Carousel. Il est 1h17, bienvenue sur Fun, c'est Mickaël Nolimitch jusqu'à 2h. Carousel sur Fun Radio Sun and Tans. Bienvenue si vous arrivez, il est 1h20. T'es un peu retard mais c'est pas grave, hein, ça arrive même au meilleur. On va continuer les appels avec Toff dans quelques minutes et puis on va également prendre Clem qui est avec nous là. T'es là Clem ? Oui. Je suis bah qu'est-ce là, qui t'arrive encore Clem là ? À chaque là. Fois tu nous appelles parce que ta radio est en panne. Bah Clem. Bah oui, ça veut pas ce soir, je sais pas. Notre belle radio là ? Bah non, c'est une autre Clem. C'était Colline. Radio, pardon, excusez-moi. Bon, Clem, 19 ans de Dax, et la radio marche pas de côté dans le standard et t'écoutes dans le standard. Note, c'est pas mal. Oui. En plus, c'est Fun qui paye, donc tranquille. Non, mais c'est vrai, hein ? Forfait descend pas, tout est bien quoi. T'es au chaud là ? Ouais, je suis dans mon lit, putain, c'est trop le pied. Oh, parfait. Très bien. Alors que toi, on va bien dans le même lit. Hein, ah mais... oui, grave. Eh ouais, mais qu'est-ce non, que tu Clem en pince pour moi. Ah bon ? Tu en passes pour Polo ? Oui, oh. Polo. Oh là là là là. Je suis un séducteur. En plus, elle a les cheveux longs, j'adore. Tu pourras le t'essuyer dedans. De bite. Ah oui, mais c'est ça. De quoi ? C'est ça. Bon, Clem, reste avec nous, puisque t'es là. Il n'y a pas de problème, hein, d'accord ? Ça marche. Bon bah bouge pas de là. Il y a Anthony aussi qui voulait réagir par rapport à la première fois et les conseils de parents là. Anthony t'es là ? Ouais je suis là. Comment ça va ? Bon ça va écoute hein. Bon bah tant mieux hein. Bienvenue à toi Anthony. T'appelles la Côte d'Azur. Ouais là je suis au boulot là écoute. Ah donc tu fais quoi ? Voilà. Je travaille dans le marquage au sol. Dans le marquage au sol. Ah ouais d'accord ok non, très bien. Bon ouais. Voilà donc si les routes sont pas droites vous savez que c'est moi quoi. Oui voilà. C'est-à-dire que là il est en train de faire une ligne droite donc si vous voyez qu'à un moment il y a un zigzag, eh ben c'est lui quoi. Hey, tu peux pas écrire hey, Mickaël ne limite. Ça ouais, c'est bon ça. Me curer, là. Oh non Anthony vas-y mec t'es rock'n'roll ou pas là dans la tête là hein. J'ai déjà voulu marquer une bite et je vais me faire virer, mais bon. Mais tu dis que c'est pas toi, tu dis que c'est Tof. Ouais, c'est ça, tu peux, pas de problème. D'accord. Non, mais c'est clair, le jour où on vient, on fait l'émission à Nice, tu nous dis, nous on vient, on prend la machine, on l'écrit par terre. D'accord, ah oui. Bah si tu veux, non problème. Ah bah oui, évidemment. On va se faire une route à nos couleurs. Exactement, et on va faire à notre image. Exact. Non, franchement, ça peut être bien fait, ça. On va faire toutes les couleurs, hein. on peut faire la route en rouge, en bleu. Mais ouais. Hein. Nous, il nous faut du bleu, du rose et du jaune et du blanc. Ouais, et ce qu'on peut faire aussi, c'est que juste une seule route à Nice, on la mettra en mode anglaise. Si on roule à l'envers. Ouais. La merde. T'imagines le bordel. Faudrait faire ça, c'est la promenade des Anglais alors. Oui, c'est vrai, promenade des Anglais, tu mets ça dans le sens inverse. Normal. C'est normal. Bah oui. Des Anglais. Bon, Anthony, c'était quoi le conseil le conseil que tes parents t'avaient filé avant de coucher la première fois avec ta meuf. Bon, alors ma mère, elle a dit, vois ça avec ton père déjà. Ah oui, et puis après le père, il a dit, vois ça avec ta mère. Et après, toi, t'étais au milieu, tu savais pas quoi faire. Voilà. Non, mon père, il a dit, si tu veux éviter les emmerdes, fais par le cul. Oh, la grande classe. Oh, la violence. Putain, je m'attendais pas à ça. Oh mon dieu. Qu'est-ce qui lui arrive à l'autre, nouveau mort là. Non mais oui, je m'attendais pas à ça. Je t'emmerde, moi, enculé, va. Oui, bah oui, ça. Moi, j'avais rencontré une meuf dans le train. Ouais. Je le raconte parce que c'est ouf. Et donc, la nana, je la connais pas, tu vois, on s'est jamais vu, on s'est jamais machin. Et donc, on commence à discuter, mais tu vois, genre normal, tu vois. Et à un moment, elle me dit, ouais, mais en fait, moi, je veux rester vierge jusqu'au mariage, donc du coup, je pratique que la sodomie. Oh, la meuf, on se connaissait de 10 minutes dans le train, quoi. Oh, classe. Ah ouais, ça c'est bien. Ah oui, bien sûr, c'est bien, oui, non, ça c'est certain. Il n'a pas ce conseil pour ça, c'est chiant, ça. Oui, c'est vrai. Bah, c'est un bon conseil de papa, du coup, tu l'as suivi ou pas? Ouais. Ah, tu l'as suivi. Ah, depuis, bah, il est spécialiste en sodomie. Ah bah voilà, très bien. Bah écoute, pourquoi pas. Et toi, Clem, tes vieux, ils t'ont déjà donné des conseils? Non, pas vraiment. Non, pas vraiment. Bon, bah écoute, très bien, non, alors. Vraiment. Bon, bah parfait, bah bouge pas de la clé. Bah merci. Tu veux essayer la première fois avec moi, écoute, hein. Ouais, bah bien sûr, Anthony, il perd pas le nord, lui, hein, ça c'est. Tranquille. Ah bah. Bon, bah merci, Anthony, d'être passé, hein. Tu reviens quand tu veux. Ok, no problème. Salut, ciao, voilà, à toi. Allez, écoute jusqu'à la fin de la soirée là. Ah bah j'espère bien, Anthony. Merci beaucoup, on embrasse tous tes potes aussi. Moi, je suis pas couché avant 6h alors. Hein. Ah bah écoute, bah je serai couché avant toi alors. Anthony? Attends, c'est normal. Bon, salut Anthony. Ouais, bonne soirée les gars. Ciao, bye bye. Bye, bisous à tout le monde. Salut Anthony. Il y a Laurent également avec nous des Côtes d'Or là, enfin de la Côte d'Or. Salut Laurent. Salut Mickaël. Comment ça va? Ouais, ça roule tranquille. Bon, très bien. Alors, toi tu voulais réagir par rapport à la chanson qui te met la patate? Ah ouais, moi quand j'ai pas la pêche le matin, je me mets un petit coup de serpent à sonnette là, dans les oreilles, bien gros, bien chaud là. De serpent la bomba, en sonnette. Tu connais? Oh, ah, la bomba. Parabala et la bomba. Ah oui, attends, là, il y a rien de tel pour te réveiller. Ah, ouais, c'est bon. Là évidemment. Ah, ça c'est génial. Oh là là là là là là là. Ça claque. Ouais. On démarre les chansons fou et puis on y va. Ah bah oui, ça c'est sûr. On peut fermer sa gueule l'autre là. Ah, mais Polo est à fond là. Oh là là, on voit que c'est avancé mexicain. Oh là là. Ah, il faut voir la gueule des mecs. Hein. Ouais, non mais c'est sûr. Ouais, mais tu t'en fous de la gueule du mec du moment que t'as la chanson. Ah ouais. Voilà, oui, c'est une certitude, effectivement. Ouais. Bon, donc ça te met de bonne humeur alors, c'est ça? Ah ouais. Bon, bah, très bien, mais écoute, voilà, comme ça vous aurez des chansons, vous en a passé quelques-unes. À vous de choisir celle que vous préférez, bien sûr, qui vous met de bonne humeur, ça tombe sous le sens. Bah, merci. Il y a moyen d'avoir Sandro pour avoir un petit pack fun? Bien sûr, je te la repasse, sans problème. Ok, je t'en remercie. Salut, allez, bonne soirée, Mickaël. À bientôt, Laurent, merci d'être écouté tous les soirs. À bientôt. Ciao à toi. À tous les soirs, fidèle. Ah, et merci beaucoup, Laurent. Bon, on va faire encore un petit appel là. Oui, hein, toujours, moi je suis toujours prêt. Voilà. Bon, on appelle maintenant toujours pour savoir si, si les filles seraient d'accord de faire opérer, enfin, un petit laser dans le vagin pour le faire rétrécir de manière à donner plus de plaisir. Alors, a priori, à elles aussi, mais aussi à leur mec, puisque du coup, c'est plus serré. Oui. Enfin, ce serait plus serré. Ça a l'air très sympa comme programme. Donc, on a appelé depuis tout à l'heure, tu t'es fait reconnaître là il y a 10 minutes. Oui. Donc, du coup, un échec total, mais ça arrive. 10 ans. Donc du coup, on y va, on a un autre numéro, apparemment c'est du lourd, d'après le mail qu'on a envoyé sur ton mail justement, toph@funradio.fr. Allez. Allô? Oui, bonsoir. Oui? Oui, voilà, en fait je vous appelle parce que je voulais savoir si vous seriez prête à vous faire retrécir le vagin pour donner plus de plaisir à votre mari. Pardon, j'ai mal entendu. En fait, je demandais si vous seriez prête à vous faire retrécir le vagin pour donner plus de plaisir à votre mari. Ah, baissez-moi son mari, t'as un problème? Non, pas du tout, en fait. Je voulais savoir si votre femme serait prête à se faire retrécir le vagin pour vous donner plus de plaisir. Alors tu sais pas, petit con. Non. Je vais te dire qui je suis, moi. Oui. D'accord. Je suis juge d'application des peines. Oui. Alors tu vois ton numéro de téléphone. Oui. Il est bien tracé, je peux t'assurer, tu vois. Oui, mais je vois pas le rapport. Je vais m'occuper de ton cas. Mais je vois pas le rapport, monsieur. Ah ben écoute, tu vas cesser tes insultes. Ben, je peux t'assurer. Écoute-moi bien, je vais te donner mon nom. Et demain, tu vas te permettre d'appeler le tribunal de grande instance de Bordeaux. D'accord. D'accord. Mais pourquoi vous voulez que j'appelle Bordeaux? Voilà. Monsieur, moi, si, parce que là, t'appelles sur la région, tu l'appelles sur la région de Bordeaux, là. Oui. Et alors, moi, je suis juge d'application des peines, mon petit chéri. Et oui. Puis moi, je vais te retracer ton appel. D'accord. Oui, d'accord, monsieur. On s'entend bien. Alors, tu vas me donner ton nom? Tu vas me donner ton nom, s'il te plaît? Ton nom? Moi, je vais me donner ta localité? Oui. Oui. Alors, je m'appelle Toff, monsieur, et je suis à Paris. Ah, tu t'appelles Toff et t'es à Paris. Voilà. Alors tu vas voir comment ça va te faire, Toff. Tu connais, tu sais ce que c'est qu'un juge d'application des peines. Oui, mais pour appliquer une peine, monsieur, il faut déjà avoir été jugé. Mais t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ça va aller très très vite pour ton cas. Alors Toff, oui. Rassure-toi ton téléphone. Oui. Tu peux le prendre et tu le jettes. Ta carte, tu peux la jeter aussi. Ah oui, par contre, t'inquiète pas, tu reçois des factures. Non, parce que c'est un fixe, en fait. C'est un fixe. C'est un fixe, oui. Mais ça va aller encore 10 fois plus vite. Ah bah parfait. Mais vous voulez pas répondre à ma question avant? Parce qu'en fait moi je vous appelais pour ça, hein. Je m'en fous un peu de vos histoires. Ah non, bah si. Moi je vais te voir en tout cas. D'accord, tu mais... Tu connais pas la région de Bordeaux? Non, pas du tout. Je vais te la faire présenter, moi, tu vas voir. Je vais te la faire connaître, tu verras, on a une belle ville, une très jolie ville. Oui, il paraît que vous avez un tram qui marche pas très bien. Ah, tout à fait, si, il marche très très bien. Ah bon? Ouais. Mieux qu'à Paris, mieux que le métro et le RER. Hein. Ah oui. Dans quel secteur de Paris, dis-moi? Moi, je suis vers les Champs-Élysées. Oh, qu'est-ce que c'est bien. Moi, j'étais dans la vallée de Chevreuse avant, tu vois, en tant que juge d'application des peines. D'accord, ça oui. Ça te parle, Orsay? Ça te parle un petit peu? Non, pas du tout. Ah non, pas moi, du tout. Moi, à part le quai d'Orsay, je connais rien. Ah, mais tu vois, tu connais Orsay. Oui, mais juste le quai. Ah, juste le quai. Mais écoute, moi, je vais te faire connaître les quais de Bordeaux, tu vas voir. Ah oui, mais c'est... Ouais. D'accord. Mais tu me fais beaucoup rire en tout cas. Hein. Bah, des rigolos comme toi, j'en vois plein. Tous les jours passer dans mon bureau. C'est vrai. Seulement quand je les vois arriver, ouais, ils arrivent avec des menottes d'ailleurs. Ah oui. Ils sont bien accompagnés. Hein. Vous êtes un peu sadomaso. Oh, il est relou. Ah, un petit peu aussi, ouais. Ah mais oui. Toi, tu vas être sadomaso, mais on va s'occuper de toi, tu vas voir. Ah bon, c'est vous allez me faire quoi? Ah, bah écoute, je te réserve le plaisir de venir à Bordeaux, tu vas voir. C'est vrai. On a un joli tribunal. On a des jolis tribunaux, des grosses cellules et tout. Ah oui, mais est-ce que vous avez une petite combinaison en cuir? Oui aussi, pour oui, pour tu vas voir, cellule. Je vais mettre la combinaison en cuir, moi, petit con. Bon, mais sinon, alors, pour la question, parce qu'en fait, moi, c'est pour ça que je vous appelais. Hein. Eh bien, écoute, non, c'est moi qui te rappellerai demain. D'accord. Depuis mon bureau. Hein, je vais te faire rappeler par mon chef de cabinet. D'accord. Bon, ben, on s'appelle demain. Tu me donnes ton numéro, s'il te plaît? Bien sûr, alors 01. Allez, tu prends de quoi noter, là? Alors, je vous écoute. 01, donc, cher ami. 01, cher ami. 40. 2. Oui. 48. Ouais. 5000. 40-48. Ouais, non, mais c'est pas mon numéro, ça. Alors, tu sais pas. Bah si, je sais. Je vais te retracer, moi, tu vas voir, mon petit chéri. Mais je viens vous donner à mon numéro. À mon avis, tu vas moins rire, Toff. Tu vas moins rire. Mais je viens de vous donner mon numéro. Ouais, mais tu vas moins rire. Tu vas moins rire demain. D'accord. Bon, bah, d'accord. On s'appelle demain, alors. Je vais te faire appeler, moi, tu vas mais voir. Si vous m'avez pas rappelé, je vous rappelle. Oui, tu peux aussi. Eh ben, on fait comme ça. Alors, si vous m'avez pas rappelé, je vous rappelle demain. Ouais, vous inquiétez pas, j'aurai une autre question. Oui, très bien, c'est très génial à toi. Ben, moi aussi, j'en aurais plein à te poser, moi. C'est vrai? Eh ben, le plaisir est sera partagé. On fera connaissance. Non, je pense pas, non. À mon avis, moi, je prendrais plus mon pied que toi, à mon avis. Ah oui, ah. Oh. Tout ça m'excite grandement. Bon, ben, on se rappelle demain? C'est vrai? Oui. Ah, ben, dis donc. J'étais mal tombé, alors. Hein. Je frétille d'avance. Pardon? Non, je dis je frétille d'avance. Oui, c'est un mot compliqué. Ah, ouais. Bon, eh ben... Tu sais, on peut dialoguer longtemps comme ça. Oui, mais enfin bon, comme on se rappelle demain, ça sert à rien de tout gâcher aujourd'hui. Ah ouais, mais tu me sembles tellement aimable que moi j'ai besoin de te connaître un petit peu plus. Ben justement, rappelons-nous demain. Non, tu vas pas partir comme ça. Mais si, c'est comme toutes les belles histoires. Ah mais non, mais t'as commencé à poser des questions, vas-y. Il faut pas qu'on s'en donne trop ce soir. Si on s'en donne trop ce soir, après on n'aura plus envie de se rappeler. Et ce faut sera pas bien. Voilà, faut pas gâcher le plaisir. Il faut en garder pour demain. Non, faut pas gâcher le plaisir. Là, moi, je trouve ça vraiment formidable. Donc, ça me permet de dialoguer avec toi et tout. Donc, non, moi, je trouve ça très très bien, quoi. Ben, moi aussi. Moi, je trouve ça beau. Mais à un moment, il faut conclure. Il faut conclure, ben, on peut pas. Mais non, moi, j'ai pas envie de conclure, non, pas pour l'instant. Bah oui, mais bon, là, il faut. Non, je veux tout savoir ce soir, moi. Moi, sinon, je vais me coucher, je vais être frustré, donc. Mais justement, c'est bien comme ça vous donnera l'envie qu'on se rappelle demain. Et qu'on sera content. Non, c'est pas possible. Mais vous avez lu comment t'es musclé, hein, t'es pas musclé. Vous avez lu Le Petit Prince? Oui. Eh bien, on va faire comme avec le renard. Hein, on se rapprochera un petit peu plus tous les jours. Ouais, c'est ça, ouais. Non, mais moi, je veux savoir. Ce soir, ça m'intéresse de nous rapprocher, là, tu vois. Oui, mais non, regarde, dans Le Petit Prince, dans Le Petit Prince, il se rapproche tous les jours un peu plus. Et... Ouais, non, mais toi aussi, tu l'as lu, Le Petit Prince? Non, moi, je connais que ce passage-là, hein, c'est tout. Le reste, j'ai pas. Ah, ouais, toi, tu connais Le Manège Enchanté, non? Le Manège Enchanté. Ouais, je connais pas Le Manège Avec Enchanté. Zébulon? Ah, mais tu vois, tu connais. Mais quand même, hein. Ah, oh, là, je suis là, sûr là, que je vous ai surpris sur ce coup-là. Ah, ouais, tu m'as surpris, ouais, absolument, ouais, tu m'as surpris, ouais. Bon. Mais bon, surprends-moi encore parce que là ça me. Eh ben regardez, je vais vous surprendre, je vais appuyer sur un bouton, ça va raccrocher, mais ne vous inquiétez pas, on se rappelle demain. Hein? Non. Allez, regardez. Une bonne soirée, regardez. Hein? Non. Dites-moi au revoir, ça va couper. Non, bah écoute, non, je suis très enthousiaste d'avoir au téléphone un homme comme toi, un personnage comme toi, tu te rends pas compte. T'es formidable comme garçon. T'es formidable. Je sais bien que je suis formidable, mais là, regardez, ça va couper. Hop là. Non, mais là. Ah ben non. Si, ça va passer sous un tunnel. Regardez, hop, ça passe sous un tunnel. Il y a pas de tunnel. Hein? Sur les Champs-Élysées, il n'y en a pas de tunnel. Et puis, téléphone pas de poste fixe avec un tunnel, garçon. C'est pas trop intelligent quand même. C'est vrai, mais on se rappelle demain quand même. Allez, bonne soirée. Oh putain, qu'est-ce qui nous a saoulé? C'est la première fois que c'est nous qui voulons raccrocher. Oh là là. Bah non, mais il devait se faire chier peut-être. Ah mais ouais, mais non, il est juste l'application des peines. Voilà. Non mais c'est ouf, il y a Noé qui dit Tof va finir en tôle. Il y a Pierrot qui dit Tof incarcéré à Bordeaux, je viendrai te voir. Bah très bien. Elliot qui dit tu vas moins rire, nous en tout cas on se marre bien. Il y a Jason qui dit genre le juge il raconte ça live, il est complètement con lui. Stéphanie qui dit le mec promet des menottes à Tof, ça va l'exciter ça. Bah oui, il s'en rend pas compte le gars. Exactement, c'est ça. Et alors qu'est-ce qu'il y a aussi, Let's Be Flux qui dit des jolis tribunaux et pas tribunal. Oui, c'est pas faux. Enfin, on n'est pas à ce détail hein, pour le coup. Hein. Et l'apné blouté qui dit mort de rire, une vieille voix. J'ai l'impression qu'il s'invente une vie quand même le gars là. Oui, c'est un petit peu. Hein. Et Fatih qui dit putain, il était lourd. Oh putain, j'ai loqué maintenant, il manquait plus que ça. Il était lourd le juge. Ah oui, je confirme que c'était pas facile. Bon, ça m'a donné envie d'écouter Asie là parce que. Ouais, faut se remettre. Ah bah je confirme. Asie maintenant, c'est Born Again qu'on écoute tout de suite. On revient juste après, il y aura le chéri, je peux te faire cocu. Il y a Oussama qui voulait nous parler des conseils des parents. On aura toujours Johan qui voulait draguer Amélia. Il y aura aussi Damien qui voulait parler à Clem. Et puis Nono également qui voulait donner son avis par rapport aux parents. Et la première fois, c'est juste après Asie Born Again maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Il est 1h35, c'est Mickaël No Limit. Et rassurez-vous, si vous nous écoutez pour la première fois, vous avez enfin trouvé quelque chose de bien à écouter la nuit. C'est sur Fun Radio que ça se passe. Chivalry is born again. Asie sur Fun. Yes, avec Born Again. Bienvenue si vous arrivez, il est 1h38. Pour ceux qui ont raté le chéri, je peux te faire cocu tous les lundis, et ben on va vous le remettre maintenant. C'était Adriane qui voulait faire un chéri, je peux te faire cocu. Le principe avec Adriane, enfin le principe du chéri, je peux te faire cocu, c'est que là en l'occurrence c'est Adriane. Donc on appelle son mec pour lui faire croire que j'ai rencontré Adriane et que j'aimerais bien coucher avec elle juste un soir, hein, juste une nuit. Et donc on lui demandait son avis. En fait, tout simplement, ça s'est passé hier. Donc on vous remet directement l'appel. C'était l'appel d'Adriane à son mec. Vous allez voir, c'était juste du caviar. Allez, c'est parti. Il était au taquet. Plus qu'au taquet même. Allô. Salut bébé. Ça va mon cœur? Oui, et toi? Ouais, non. Ah, déjà entendu. Oui, tranquille. Comment? Ouais, je voulais te demander un truc. Ouais, vas-y, annonce. Comment tu te souviens, il y a 3 semaines, j'avais été à Paris pour un concert. Ouais, ton groupe de rock. Ouais. Comment tu sais, je t'avais dit, j'avais dormi dans une auberge de jeunesse. Ouais. Ouais, et puis ce jour-là, en fait, comment qu'est-ce que tu vas me dire, toi? Qu'est-ce que tu vas me dire? J'ai rencontré quelqu'un, en fait, ce jour-là. Ouais. Et moi, on a sympathisé plutôt en fait. Là, je suis chez lui en fait. Ouais, et tu fais quoi chez lui? Il m'a demandé si je pouvais coucher avec lui en fait. Et puis bon, moi au départ, j'ai... Quoi? Attends. Quoi? What? Non, mais en fait, il m'a demandé si je pouvais coucher avec lui. Non, il n'y a pas de nom. Non, mais attends. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais, qu'est-ce que je dis? Moi, je dis que je vais te casser les dents, là, espèce de gros connard. Là. Non, mais attends, tu touches pas ma main. Puis toi, quand t'es au téléphone, tu m'appelles. Tu dois quand même savoir qui tu m'appelles pour me demander ça. Allô? Ouais, allô, ouais, t'es qui, toi? Je m'appelle Michel. Ouais, bah Michel, franchement, tu sais quoi? Franchement. Je monte à Chalon, je te déglingue, quoi. Franchement, je vais t'enculer, quoi. Je vais t'enculer, franchement, je vais te casser toutes tes dents, quoi. Non, mais je comprends pas, quel vas-y, est le problème. Vas-y, tu touches même pas ma meuf, quoi. Parce que moi, si je monte, je te déglingue, quoi. Ah non, mais attends. Franchement, tu vas être tuté sous terre, là. Non, mais on s'est peut-être mal compris. Bah qu'est-ce que tu veux faire alors? Bah moi c'est juste coucher avec elle un soir, on s'était rencontrés comme ça, on a dormi dans le... Et puis ça te tenterait pas aussi que j'encule ta mère aussi, non? Non, enfin c'est surtout elle qui ça va pas ouais, tenter bah, ouais, dans la vie. Bah, mais... écoute, imagine, mets-toi à ma place, espèce de connard quoi. Moi non, aussi, mais attends, t'as... Attends, mais c'est attends, quoi, mais je vais te demander aussi si je peux coucher avec ta mère quoi. Non mais ça va pas. Et moi je passe et puis voilà, je fais mon affaire. Non, mais y'a pas moyen que tu passes. Alors repasse sur ma meuf, attends une seconde, elle est partie faire la vaisselle, la bouge pas, attends une seconde. Ouais, elle est partie faire la vaisselle, c'est ça mon con, ouais. Mais c'est pas avec cette petite voix là que tu vas me faire peur. Ah ouais, c'est pas avec cette petite voix que je vais te faire peur. Bah, attends d'être en face, mon mais gars, t'inquiète tu vas pas, voir. T'inquiète je vais t'enchaîner des high kicks dans ta gueule, franchement, tu vas comprendre. Tu vas muer un jour, hein, c'est pas grave. Hein. Non, mais y a pas moyen, tu cours jour, avec elle, quoi. Un jour, ça va venir, hein. En plus, t'as quel âge? Non, t'as pas à savoir mon âge, vas-y, bouge. Oh, Adrienne, quel âge il a, ton mec? 28. Tant que t'es dans la cuisine, est-ce que tu peux me ramener un coca? Oui, pas de soucis. Ah quoi? Non mais attends, parce que tu vas faire la boniche pour lui en plus. Bon, bah bien sûr qu'elle fait la boniche, elle m'a déjà repassé mes vêtements et tout. Elle est bien cette fille, hein, franchement. Non mais elle est super, non mais t'inquiète, elle est super. Mais elle est dis-moi. Pour moi, elle est pas pour toi mon gars. Bon, dis-moi, tant que... Ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Hein? Est-ce que ça fait longtemps que vous êtes ensemble? Bah ça fait un mois mon gars qu'on est ensemble et j'y tiens, tu vois, avec toutes les merdes qui me tombent dessus, là je crois que c'est la totale. Non mais on s'en fout, je ne me rencontre pas ta vie, je suis pas ton psy. Non, je m'en fous pas, non mais tu la touches pas. Dis-moi juste une petite question, parce que comme elle est dans la cuisine actuellement, elle m'entend pas, est-ce qu'il y a des trucs sexuellement qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas? Non mais t'as même pas à savoir, Mais non mais comment on a l'air de bien s'entendre? Tu veux savoir quoi? Mais non mais y'a même pas moyen, je te dévoile rien du tout quoi. Non mais moi je veux pas lui proposer des trucs, c'est pour pas passer pour le goujat. Tu vois par exemple si elle a pas... Pour le goujat, je sais pas, tu te démerdes, mais t'es pas si grand, t'as 23 ans, des meufs, y'en a partout à Chalon. Bon, y'en a partout à Chalon, des meufs quoi. Bon bah alors je me démerde. Oui bah tu te démerdes mais sans la toucher quoi. Sans la toucher, tu regardes mon gars, je te jure tu regardes. Parce que si tu la touches, franchement je vais te déglinguer quoi. Saigner comme un mouton dans une baignoire, mon gars. Franchement, il a l'air bien. Non, je suis pas cool. Passe-moi ma meuf, dépêche-toi. Adrien, c'est où là? Il y a des liens qui sont passe-moi ma meuf. Passe-moi ma femme. Je te la repasse. Tiens, je te la repasse. Oui, bébé. En tout cas, il est bien. Tu peux lui dire ça. Allô, t'es où là? Avant, on a discuté un peu ensemble et tout. Il a l'air cool. On a pu discuter un peu. T'es où? T'es à Rue? Il m'a parlé un peu de toi. Vraiment, c'est un chouette mec, quoi. Vraiment, c'est un chalon. Mais putain, mais franchement, tu m'appelles pour me demander de coucher avec un mec que je connais même pas. T'es parti à Paris, mais en fait, mais tu fais quoi? Tu fais la fête? Mais enfin, on est une grosse salope. Mais non, c'est... Sans déconner, t'es une traînée, quoi. T'es une traînée, t'es... Je te suis pas. Hé! Mais c'est juste... Ta gueule, il a même pas parlé, lui. Dis-lui qu'il ferme son clap, merde, parce que franchement, je vais l'éclater, quoi. Ariane! Allô? Oui? Et mon coca, il va arriver comment, espèce de conne? Je te l'ai demandé, tu me le ramènes même pas. Attends, il t'a insulté de conne en plus. T'es sérieux mais non mais attends, mais quoi là? Bah va me le chercher maintenant. Oui, non mais c'est n'importe quoi. Tu vas coucher avec là ce soir là, tu vas coucher avec. Allô? Oui. Ouais, c'est nouveau Michel. Oui, bah le nouveau Michel, il va se faire enculer là, il repasse-moi ma meuf, dépêche-toi. J'ai l'impression que tu t'énerves facilement hein. Oui, je m'énerve facilement, je suis un gros nerveux, surtout quand on touche à ce qui est à moi. Bon, ça c'est pas à toi, arrête un peu ton cinéma là. Hein. Dis donc, elle est souvent comme ça, un peu conne. Tu la touches pas, ok? Hein, elle est souvent comme ça, un petit peu conne? Parce que là, je lui demande un coca, elle me ramène pas, elle est quand même siphonée quand même. Non mais elle est pas conne, mais toi t'es un putain de gros con, mon gars, mais tu peux pas imaginer. Donc, connard, j'en ai rien à branler. On se connaît pas, mon gars, tu me connais pas. Tu me connais pas, je ne reste pas calme, je suis un bourguignon, cramé dans ma tête, mon gars. Reste calme. Je vais t'enculer, je vais te tuer mon ça gars. Ça te ferait tellement plaisir, hein, espèce de pervers. Hein? Ça va me faire plaisir, je te jure mon gars. Je suis sûr que t'es un peu bio au fond de toi. À coup de masse dans ta gueule, je vais t'enlever toutes tes dents de ton râtelier mon gars. Ouais, c'est ça, t'inquiète pas. J'espère que tu tiens à la vie mon gars. Je vais mettre un petit coup de masse dans ta meuf, tu vas voir. Et ça va, non, mais ça moi, va je vais changer, un gros coup de masse dans ta gueule, tu sais quoi, je vais te couper la bite, mon gars, puis non mais, non, bah, mais tu m'as même pas, quoi. Je te jure, je te trouve, je te coupe les couilles, mon gars, bah ouais, je t'encule avec une barre à mine, je te défonce la gueule à la masse. Franchement, tu vas finir 6 pieds sous terre, mon pote. Parce que tu, là, tu te crois peut-être beau gosse, mais tellement je vais te défoncer la gueule, ta mère, elle va même pas te reconnaître, mon gars. Eh, hey, arrête ton cinéma, t'es en train de parler, tu sais même pas ce que tu dis, là. Arrête ton cinéma, là. Non, mais je sais très bien ce que je dis, je sais très bien. Je prends la bagnole, là, j'en ai pour un quart d'heure de monter à salon. Ah, dis donc, les villes, elles se rapprochent, apparemment. T'en avais une demi-heure, maintenant t'as un quart d'heure. Moi je te dis, tu sais quoi, je fais du 150-180 avec la bagnole en même pas 20 minutes, tu vois, salon, moi je te le dis. Le mec, il est fou dans sa tête. Ouais, je suis à cramer dans ma tête, c'est quoi, j'en ai rien à branler d'avoir des attractions, quoi, tout ça, j'en ai rien à branler, quoi, je vais te défoncer, mon gars. Toi, t'es un rebelle, hein. Ouais, donne-moi ma meuf, dépêche-toi. Excuse-toi d'abord pour toutes les insanités que tu m'as dites. Je vais pas m'excuser, tu me repasses ma femme. Donne-moi ma femme. Si. Non, je vais pas m'excuser. Tu sais quoi, mon pote, le président de la République, tu es même encore devant lui, je m'excuse même pas, tu sais quoi. Franchement, t'es pas un gardien de la paix, je vais pas m'excuser devant toi, quoi, franchement. Si. Non, je m'excuse pas, t'es mort. Excuse-toi et je te la repasse. Passe-moi ma main. Non, alors si tu t'excuses pas, je la baise. Non, tu la baises pas, c'est mort. Alors excuse-toi. Non, tu la baises pas. Si, attends, si. Putain, je te jure, je descends à Chalon, je t'enferme dans mon pote de bagnole. Bah, excuse-toi, je fais rien. Je vais dire, je vais te défoncer. Tu t'appelles Michel, t'habites à Chalon, t'inquiète pas, moi j'ai plein de potes à Chalon. Mais avant de me défoncer, moi j'aurais défoncé quelqu'un d'autre. Si tu vois ce que je veux dire. Quoi ? Je dis, avant de me défoncer, j'aurais défoncé moi-même quelqu'un d'autre. Hein ? Oh, il a pas compris. Oh là, oui, ça c'est super. Mais il parle même pas français. Qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu baragouines là ? Arrête de parler le russe, là je comprends rien. Ah, il est subtil. Ah, qu'il est con. Ah, qu'il est con. Moi je suis con. Ah, qu'il est con. Ouais, mais alors là mon gars. Ah, qu'il est même con. Même pas à qui tu t'adresses. Ah, qu'il est con. Ah, qu'il est con. Et oh, qu'elle est conne aussi. Et mon coca, putain là. Pas tant de 10 ans là. Oh là là. Vas-y, repasse-moi Adrien. Adrien, dépêche-toi de revenir au téléphone. Alors Adrien, il veut pas s'excuser, donc je peux te baiser, hein. Allô. Pardon. Jérém. Ouais. Bon, ça va, Non, il n'y a pas de ça va, là. Vas-y, à la cool, ma gueule. Non, il n'y a pas à la cool, ma gueule. Entre frères, on est à la cool, non ? Non, mais on n'est pas... Non. On est même pas frères, là. Tu sais quoi, tu peux pas test, mon gars, tu peux pas test. Wesh, ma gueule, tu peux même pas test. Tu peux pas test, c'est pas possible. Eh, bien ou bien ? Bien ou bien quoi ? Non, il n'y a pas de bien ou bien, là. Mais si, bien, bien ou bien ? Non, pas bien. Mais si, bah si, bien. Non, pas bien. Si, eh bien ou bien, passe-moi ma femme. Eh bien ou bien. Passe-moi ma femme. Non mais bien ou bien. J'en ai rien à branler, y'a pas de bien. Bon, Adriane. Oui. Bon bah dis-lui, hein. J'ai perforé la gueule. On a déjà couché ensemble. Tu lui perforé la gueule. Quoi ? Allô ? Oui. Toi, t'es à Chalon. Va te faire enculer, gros bâtard. Tu vas aller baiser, là, comme ça. Va te faire enculer, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Quoi, va te faire enculer, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Franchement, tu sais quoi. Non, mais tu sais quoi, j'ai même plus envie de te parler. T'es gros salope. Tout ce que tu veux, quoi. Petit enculé. T'es une michetonneuse, quoi. Petit enculé. Tu sais quoi, ça m'énerve. Allez, vas-y, tu sais quoi, va te faire baiser, va faire tout ce que tu veux, tout ce que tu veux, mais tu m'oublies, ok. Jérém. C'est bien, allez, tu sais quoi, ciao. Jérém. Oh merde, il est parti. Ah bah oui. J'ai peut-être poussé le bouchon un petit peu loin. Ah ouais. Bon, là il est poussé, là. Il est bien poussé là. Attends, on va le rappeler là, j'espère qu'il va décrocher. Ah, en tous les cas, il t'aime, hein. Il veut pas qu'on touche sa meuf. Oh là là. Gros bâtard. J'adore. Mais là il fait le coq, il a pas les crochets. Mais les mecs préfèrent ne pas s'excuser. Ouais. Ah ouais, dis donc, c'est quand même incroyable de s'énerver pour si peu. S'énerver pour si peu. Attends, tu veux baiser ma meuf et puis ça serait une faute de ma part de m'énerver, quoi. Un peu, ouais, je trouve. Ouais. Donne-moi ma meuf, dépêche-toi. Donne-moi ma femme. Adriane. Oui. Bon tiens, je te dépêche passe. Toi. Oui, allô. Non, mais toi, non mais franchement, t'es quoi, t'es une bonne. Salope. Franchement, t'es une salope. Je vais pas dire une pute parce qu'une pute encore, ça se fait payer, tu vois. Bon Adriane, dis-lui avant qu'il t'assume de tous les noms là. Ah, c'est oui. Déjà fait, ouais, non mais non, il commence à avoir le bol là. Franchement, non, franchement, oui. Oui. Et t'énerve pas, on est en direct sur Fun Radio. Mais oui. Mais non, mais n'importe quoi, vas-y, t'as des Mais si tu es. Ça non, qui est bon. Mais si, mais ah, si, si. Si, si. Oh, c'est énervement. Si, si. C'est énervement gratuit là. Non, c'est je suis un bourguignon. Je suis un ouf dans ma tête. Ah, t'as vu un peu, moi, je suis rebelle. Bon, c'est Mickaël, Jérém, là, t'es sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit, c'est le chéri, je peux te faire cocu. Non, c'est vrai. Mais ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Oh là là là là. Ah non, mais là, je reviens pas, quoi. Eh ben, il en est parvenu d'ailleurs. C'était hier, hein, le chéri, je peux te faire cocu. Ouais. On vous l'avait remis. Là, il y en a plein qui l'ont découvert maintenant. Donc, tant mieux, ça sert aussi à ça. Je vous rappelle d'ailleurs qu'on rejoue au chéri, je peux te faire cocu la semaine prochaine, lundi, évidemment. Donc, hein, tous les lundis. Il y a Cri qui dit Mickaël, merci pour l'ardif. Avec plaisir. Le prince Nadia, Mickaël, premier en top tweet. Et oui, merci beaucoup. Carla également qui dit mort de rire, le chéri, je peux te faire cocu. Là, je vais te couper les couilles. Et Nathanaël à le mettre sur le podium en numéro 1. Celui-là, c'est encore mieux que le caviar. Ah bah merci, Nat. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Merci pour l'ardif. Let's be free. Je vais t'enculer. Elle est magique, cette phrase. Il y a quoi aussi, Gilbert, qui dit comment il est vénère, Mickaël, qui s'en donne à cœur joie. Ah bah oui, oui, complètement. Et même si j'écoute 100 fois le chéri, je peux te faire cocu. Je me taperai à chaque fois des barres tellement c'est kiffant. C'est Damien qui avait envoyé le message. Merci beaucoup. J'avais loupé cette phrase hier. Ne me raconte pas ta vie. Je ne suis pas ton psy. Ah, j'avoue que je me suis fait rire moi-même en la balançant, cette phrase-là. J'adore ce disjoncté de Michel. C'est Jason qui avait envoyé le message. Bon allez, on se fait le son de Fédé Legrand maintenant, Long Way From Home. Juste après, on va récupérer Johan également. On va également prendre Clem qui est toujours avec nous. Et puis vous toutes et vous tous en direct, on est avec vous toute la nuit, enfin toute la nuit jusqu'à 2h sur Fun. C'est la nuit sans pub. Bienvenue tout le monde. Et si vous venez de débarquer pour la première fois, eh bien vous êtes les bienvenus. On vous accueille ici tous les soirs sur Fun Radio. Fédé Legrand sur Fun Radio, encore à son découvert ici, Long Way From Home. Bah, bienvenue tout le monde. 1h55, on va terminer maintenant avec Oussama qui est avec nous de Tours. Salut Oussama. Salut, ça va? Ça va et toi? Ouais, impeccable. Bon, alors, on avait parlé tout à l'heure là des parents qui donnaient des conseils avant de coucher avec leur copain ou leur copine. C'est une américaine qui avait donné ce conseil-là à son fils là-bas en disant bah écoute, mets une capote, donc ça c'est bien. Et le deuxième conseil, c'était demande à la copine avant de coucher avec elle qu'elle t'envoie un SMS comme quoi elle est d'accord que tu couches avec elle. Comme les Ricains ont tendance à porter plainte pour un oui ou pour un non, elle préférait prendre les devants. Et donc, toi, Oussama, c'est quoi le conseil de papa ou de maman? Bah moi, c'était ma mère. Elle m'a dit tu fais pas ça avant le mariage. Ouais. Bah, je l'ai pas écouté. Eh ben oui, j'imagine. Hein. Après, je lui ai dit pourquoi. Ouais. Après, elle m'a dit ouais, parce que ça t'évitera des problèmes. Et jusqu'ici, je sais pas pourquoi, mais à mon avis, ça devait être comme elle a dit, hein, pour éviter les problèmes en justice. Ouais, après, ouais, enfin bon, après, tu peux coucher avec une meuf. Le pire, c'est ce qui s'est passé. C'est quand j'étais chez moi, ouais, je devais avoir 16 piges. Ouais, 16 ans à peu près. Je suis arrivé. Hop, j'ai ramené une meuf chez moi, ma mère elle a ouvert la porte et elle est tombée dans les pommes. Oh, arrête. Sérieux? Oh la pauvre daronne. À ce point-là? Ah oui. Ah, c'est marrant. Oh, oh là là. Tu ménages pas ta mère. Hein. Vite fait, oh la merde. Ah, elle vous a grillé. Oui, ah ouais, c'est normal. Mais, du coup, après, il a fait non, t'as rien vu, maman, t'as fait un malaise. T'es à l'hôpital là. Il s'est rien passé. Tu m'étonnes. Merde. Eh bah merci, Oussama, pour la petite histoire. Oh, c'est bon. Depuis, j'ai du mal à larguer. Bah oui, bah j'imagine que t'as du mal à la regarder la c'est chaud. C'est clair. Ah, comme ça, vous connaissez ma petite histoire. Eh bah merci beaucoup, ça va d'avoir fait tourner, c'est gentil, hein. Elle merci beaucoup, énorme. Ça va. Il y a moyen d'avoir un petit casque focal ou quoi? Non, ça on en a pas, Oussama, il en reste que deux, hein, pour le canular jeudi et hein, pour le je t'emmerde demain, mais si tu veux jouer au je t'emmerde, par contre, Oussama, pas de problème, hein. Mais on va te filer un pack, il y a Sandro qui me dit qu'il n'y a pas de problème pour les packs, donc je te la repasse. Oh, c'est super, ça fait plaisir. Bah, avec plaisir, Oussama. Merci beaucoup, à bientôt. Temps, franchement, vous assurez. Mais si, merci, Oussama. Elle juge, il m'a vénère en même temps que vous. Oh, il nous a saoulé, là, qu'est-ce qui était long, celui-là. Mais promis, on le rappelle demain. Garde la pêche, taf, jette pas le noyau. Jette pas le noyau. Merci, Oussama, à bientôt. Jette pas le noyau. Ciao à toi, Oussama, je te repasse Sandro, là. Il y a aussi Nono qui est avec nous. Salut, Nono. Salut, salut les gars. Comment ça va? Salut. Ça va. Bon, alors toi, c'était quoi le conseil, enfin le conseil que tes parents t'ont donné? Bah, c'était le père en fait qui m'a dit un soir, il m'a dit mot pour mot, il m'a dit écoute mon fils, je vais te dire un truc dans la famille, ouais grosse bite, alors vas-y pas trop fort sinon tu vas tout arracher là-dedans. Oh il est bon là, on est pas mal. Les gens sont ouf. On est pas mal du tout mais effectivement. Comment tu peux dire ça? Bah, je sais pas mais ça met dans l'ambiance. Hein. Il t'a dit ça et juste pour rire, il t'a dit ça à quel âge? Il m'a dit ça, j'avais 16 ans. Non. Ah oh, putain, il est ouf lui, complètement. Il était pas mal, rock'n'roll le père. Ah mais il y est toujours. Hein, la oui, forme, bah bien mais... sûr. Non mais bien sûr, bien sûr. Bon bah très bien. Il bon, pète la forme. Bah merci Nono. Hein. Y a pas de soucis, je pourrais avoir un petit pack fun, c'est possible. Évidemment, je te repasse Sandro sans problème. Ça marche. Vous déchirez, salut, les mecs. Merci beaucoup Nono. À bientôt. Ciao à toi, bye bye. Bon et Johan. Bon, Johan qui nous avait appelé au début d'émission là, et donc qui voulait draguer une meuf, là, qui cherchait une meuf sur Villeurbanne en l'occurrence. Il y a Amélia qui nous avait appelé, qui était intéressée. Et vous vous êtes arrangé aux rantaines ou pas? Ouais. Oh, dis donc, la patate à Johan. Hein. Amélia. Amélia. Ah, on sent que c'est un couple qui roule là. Ah ouais, bon, on a perdu Amélia. Ah bon, on l'a perdu. Johan, bon, comment ça s'est passé aux rantaines alors? Sans Amélia du coup. On a changé nos Twitter, Facebook. Et puis. Tu veux la pêcher autrefois? On a envoyé 2-3 messages. Et alors? Ouais, facile. Facile. Ouais. Très bien. Bon, tu nous tiens en jus, Johan? Ouais. Bon, ça roule. Bon, bah attends. Écoute, ouais. Ah, j'ai un truc à dire, moi aussi. Dis-moi. Moi aussi, j'ai un conseil de ma belle-mère pour ma première fois. Vas-y, vas-y, dis. C'était cher marrant. Écoute ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit quoi? Bah, s'il est comme son père, elle va pas être déçue. Oh, genre, il se la ramène. Allez! Quand oh, Johan, il se la ramène. Johan, il se la ramène. Ouais. Oh là là. Ah, Johan. Il n'y a pas de quoi être déçu avec 17 centimètres. Hein. Mais l'autre, oh, 17 centimètres. Galuron. Ah oui, sacré galuron. Hein. Et puis, il va pas de cul. Voilà, tu devrais commencer par là. Bon, Johan, je te repasse Sandro. Ok. Et gratuit un pack. Ok. Gratuit un pack fun, elle va kiffer. Ouais. Elle adore ça, les mecs. Salut, salut Johan. Salut. Allez, ciao. On va se faire le top tweetos également. On va voir qui va gagner là. Numéro, alors c'est le quatrième qui gagnait ce soir. Oui. Top tweetos, il fallait envoyer un maximum de messages avec le hashtag et Mickaël. On y va, on commence par le number 5. Alors, number 5. Attendez, parce que j'ai un petit souci. Bon, c'est bon ou pas? Ouais, c'est bon, c'est bon. C'est bon, on aura générique aussi après. Hein. Très bien. Alors, allez, hop, c'est parti. Numéro 5. Numéro 5, c'était Aurore. Aurore. Numéro 3. Elliot. Numéro 2. Cédric. Numéro 1. Let's be free. Qui est de retour en force. Et enfin, le numéro 4 qui repart avec son sextoy. C'est Fabienne. Ah, ben Fabienne. Sextoy offert par passagedudésir.fr. Bien entendu. Ah, ouais, une voix bien pourrie. Hein. Ça, c'est pourri, c'est... Ah, oui, c'est une horreur. C'est une horreur. Bon, il y a le générique qui va suivre aussi. Là. Et Clem, bah écoute, merci d'avoir été dans le standard. Quoique, c'est plutôt toi qui devrais nous remercier de t'avoir accueilli dans le standard. Oui, merci. Ah bah voilà, bah de rien Clem, hein, et grand plaisir. Tu reviens quand tu veux Clem. Ça marche. Je te fais des bisous. Bisous. Salut Clem, à bientôt. Salut. Ciao. Et puis merci également à tous et tous d'avoir été nombreux hein, sur le Twitter et le Facebook avec le bœuf ferré qui était là également, qui nous souhaite bonne nuit et doucement sur le burger demain. Oh non, non, pas de burger demain, le bœuf ferré était ouf, pas tous les jours. Let's be freaks également, Laetitia, il y avait Jérémy Love, il y avait Noël, il y avait Xavier, il y avait Daoud Douida, il y avait Delpech, Angélique, etc., etc. Merci beaucoup d'avoir été de plus en plus nombreux. On se retrouve en pleine forme demain 23h. 23h, 2h. Mickaël. Mickaël. Ferme ta gueule, les colards. No limit. Sur Fun Radio. Mais avant ça, notre ami JB. Y a pas le générique aujourd'hui? Ah si, bon, on va le mettre le générique. Ouais. Notre ami JB. JB était inquiet. Réclame le générique maintenant. Il était inquiet, il a pas eu son générique, il était très inquiet. Bon bah alors générique, alors bah c'est parti, on y va. Allez, hop, on avance. Et JB va chanter. Ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton oncle. Y'a personne qui encule comme toi. Bah, gueule de merde, toi l'enculé. T'es un enculé. Allez JB, je chante la journée. Yeah, je vais t'enculer moi, t'as l'air bâtard. Tu suces tes mœurs. Et toi, c'est enculé, va. Je t'emmerde, moi, enculé, va. Vous êtes un très très petit galéron. Va te faire enculer, gros bâtard. Va te faire enculer, gros bâtard. Et deux bites. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Épilez vos poils de cul. Et deux bites. Épilez vos poils de cul. Et deux bites. Et deux bites. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Toi l'enculé. Ferme ta gueule de merde. Toi l'enculé. C'est toi l'enculé. T'es un enculeur. Enculé. Enculé. Enculé. On est Et ben voilà. Quelle fraîcheur. C'est frais, hein. C'est frais, c'est totalement fresh. Yes. Bon, c'est JB qui va vous casser les couilles toute la nuit. Mais pourquoi? La France. Avec tes vannes de merde, t'en as bien eu là, non? Non. Allez, j'ai vu les auditeurs, ils réclamaient sur Twitter. Ils réclamaient pour voir. J'en ai fait sur Twitter cette nuit pendant votre émission. Bravo. L'autre il fait des vannes maintenant sur Twitter. J'avais un auditeur qui s'appelait Kassem. Oui, exactement. Il s'y met aussi. Ils s'y mettent aussi à en faire. Il s'appelle toujours Kassem. Parce qu'il est pas mort en fait. En fait, c'est Vincent Kassem. Ça c'est nul. Hein. Oh, Kassemoule. J'ai eu plein de retweets. Alors il est content. Pitoyable n'est pas digne de pitié. Ouais, mais bon, la France. La France réclame des vannes. Moi, j'aime beaucoup Bruno d'ailleurs. Enfin bon, moi aussi. Ouais. Bruno, que vous retrouvez tout à l'heure à partir de 6h. J'espère. Sinon, si je ne le vois pas à 6h, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas. Exactement. Et sinon, ce sera JB dans la radio. Et là, la chute de fun, parce qu'il faut quand même savoir qu'une radio, c'est le morning où il y a le plus d'auditeurs, etc. Donc là, je pense qu'on peut couler la radio. Bah non, les gars, on fait 166% d'audience la nuit. Sur le 6-9, on peut faire 266. Mais alors, avec un moins devant, on va tous se faire virer, il y aura de la balle musette, ce sera le son balle musette. Je respecte la programmation. C'est pas ce que tu disais tout à l'heure. Non, t'as dit t'as dit j'en ai rien à foutre, je mets ce que je veux. C'est ça exactement. D'ailleurs, normalement, ça devait être Drake, t'as dit j'en ai rien à foutre, je vais mettre Lady Gaga parce que je pisse sur la prog. Je me torche le cul avec la prog. Et même le sous-chef et le sous-chef, je les emmerde, je les emmerde, c'est personne pour moi. Parce que moi je suis JB et je m'en bats les couilles. Moi je suis le big boss parce que moi je fais plus de 166% d'audience. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il rentre maintenant dans le studio avec un espèce de manteau en fourrure. Oui. Des chaînes en or, lunettes de soleil. Et je vous emmerde. La prime est tombée, les gars, ça là. C'est chaud. C'est plus que t'es. C'est pas le JB qu'on a connu. Exactement. On a aimé. C'est chaud, ça brûle. Mais là, il arrive, il dit kiss my ass. Il en a rien à foutre. C'est un rebelle. Motherfucker. Exactement. Ouais. Bon, allez, gros, tu balances le son là. C'est pas crédible là, quand même. Hey, gros, vraiment pas. Gros. Vas-y, gros. Oh là là, je vous jure. On voit le fat sound. Oh, c'est pas dur, c'est très dur. Ah, c'est bon ça. C'est faux, t'étais en train de dire ça me fait chier de masser Lady Gaga, mais ça m'emmerde. J'adore ça. Oh, quel faux cul alors. Toi. Lady Gaga, c'est une vraie superstar Fun Radio. Mais quel faux. Ouais, ça c'est une chose, mais quel faux cul. Ah non. Oh là là, JB quoi. Moi j'aime bien pour le coup, avec Polo on l'aime bien. Ouais, on l'adore aussi. Arrête ton cinéma, t'as dit que ça m'est pas. C'est pas ce que tu dis, JB. Oh, je lui ai coupé la chic, il a bien fait pour sa gueule, tiens.